Ok, bulle de rêve. Bachung, superbe, la reprise de Lunatic Asylum sur l'album L'homme à la tête de chou, bien sûr de Gainsbourg, reprise complète. Vraiment, l'album est super intéressant. J'y croyais pas du tout et je me disais, oh, ça va être sympa et tout. Et je trouve qu'il y a des arrangements qui sont complètement différents, donc c'est super intéressant. Mais revenons à ce qui nous intéresse, à savoir l'image par image avec l'animation japonaise. On a fini. Le mois dernier, quelques grands noms des années 60-70, l'indépendant. Ce qui m'intéresserait de savoir, alors c'est un peu difficile parce que on puise un peu dans Ilan, dans son savoir, donc c'est un petit peu, on a envie de savoir tellement de choses. Mais ce qui m'intéresserait quand même, c'est de réfléchir sur le long métrage. Aujourd'hui, il y a évidemment le studio Ghibli qui cache absolument tout ce qui peut se passer. Pourtant, il y a des choses intéressantes qui se font, comme le studio Kadokawa Gressé avec Mind Game. Il y a évidemment le regretté, encore plus regretté aujourd'hui, même pas uniquement au niveau de la personne, mais au niveau même de son cinéma, Ken Satoshi, ouais. Qui manque énormément, dans un style complètement différent, Oshii Mamoru. Comment se qui passe... Qui lui est toujours en forme. Voilà, qui est toujours en forme. On se souvient donc pour certains de Midoriko, qui est passé à Annecy. Ouais. C'est quoi le long métrage? Il faut avoir un studio derrière. Il faut, par exemple, quelqu'un comme Ken Satoshi, il avait un studio derrière et pourtant on sent une certaine liberté dans son travail. Est-ce que c'est vrai? Comment ça se passe? Le long métrage d'animation au Japon forme en soi un sujet, enfin un domaine, une sorte de corpus qui est assez immense. Hein. C'est que ça, on couvre quand même des centaines, je ne dirais pas des milliers, mais plusieurs centaines de films. C'est un pays qui produit peut-être une quinzaine, parfois une vingtaine de longs métrages par an quand même en animation. Donc beaucoup de choses qui sont des adaptations aussi qui viennent de la bande dessinée qui passent par la télé, etc. Les Doraemon, les autres, Crayon Shichan et tout ça. Mais donc c'est une grosse production. Le premier long métrage à avoir été produit, c'est celui donc dont on a les liens qui permettent de le voir découpé en 9 segments de manière plus ou moins légale. Mais sur YouTube, c'est-à-dire Momotaro le soldat divin. Qui a été produit donc sous la houlette de la marine, et donc un film de propagande, mais d'une très belle facture technique. C'est vrai qu'il y a un travail là qui mérite une attention, pas seulement en tant que film de propagande. Il faut vraiment, je pense qu'il y a sur le plan formel, il y a des choses qui peuvent retenir l'attention. Et puis ensuite, après ça, c'est Toei, donc en 58, c'est Le Serpent Blanc, c'est cette veine dont on a parlé un petit peu déjà donc la dernière fois, avec plus d'un long métrage par an. Et puis donc ensuite, l'arrivée de Tezuka, le fait que donc son studio production va lui aussi se lancer dans le long métrage. Et donc il y a une période un peu creuse dans les années 70 où la télévision finalement appuie un petit peu sur la production de long métrage, et où le long métrage, quand on regarde par année le nombre de films produits, disparaît quasiment au milieu des années 70, et puis ça repart effectivement avec l'anime boom dans la fin des années 70, donc avec là encore des moutures remontées pour le cinéma à partir de séries télé. Donc ça, c'est un truc, c'est tard, qui est absolument terrible, mais que le Japon a subi pendant vraiment de longues années, où donc une série télé à succès avait suffisamment de succès pour qu'on se dise, eh bien, on a 50 épisodes, on va saucissonner, on va faire un long métrage en découpant des bouts d'épisodes. Évidemment, pour le mettre au format cinémascope, on va couper les bandes là-haut, en haut, en bas, quoi, voilà. Et après, quand on sort le long métrage en vidéo, ça c'est très drôle, parce qu'on se dit, finalement, le 4 tiers, donc on va couper les côtés, donc on arrive avec un neuvième de l'image en cassette. Enfin, c'était n'importe quoi. Ils en ont fait beaucoup de ça, sur les Gundam, sur tout un tas de trucs. Et puis une production qui a continué à se faire par ailleurs. Pas seulement dans ces récupérations, ces bouts de, ces chutes qu'on recolle pour essayer de réunir un peu de sous. Alors le long métrage, évidemment, comme la série télévisée, peut-être plus encore, mais est un domaine qui est très très clairement lié à la production commerciale. C'est-à-dire effectivement, il faut, pour produire un long métrage, c'est pas impossible techniquement de faire ça dans une production indépendante, c'est-à-dire en travaillant seul ou quasiment seul. C'est le cas effectivement de Midoriko, mais le réalisateur a travaillé sur le film pendant presque 15 ans. Enfin, on a des exemples comme ça dans la production française aussi, de gens qui ont travaillé quasiment tout seul sur un long métrage. Donc Midoriko, par exemple, lui, il a travaillé avec ses fonds propres, tu sais. Tout à fait. Donc, d'accord. Il a travaillé avec ses fonds propres, avec son producteur, avec sa femme. Ils sont trois. C'est un réalisateur de court métrage à la base. Hein. Il a fait beaucoup de choses qui sont assez peu connues d'ailleurs. Et donc il est complètement fidèle à sa ligne dans ce long, et qui est produit de manière vraiment indépendante, qui est sorti de manière indépendante aussi en salle là-bas, qui a été présenté un petit peu dans les festivals. C'est très difficile. C'est pas impossible. On sait que c'est pas impossible. On a eu des exemples. Je le disais effectivement. Moi, j'ai toujours envie de citer l'exemple d'André Lindon avec L'Enfant Invisible, oui, qui est un très beau film, mais qui l'a fait à peu près tout seul, et qui est qu'on aimerait pouvoir revoir. Malheureusement, c'est, le film n'est pas accessible, ou en tout cas pas facilement. Et donc, au passage, excuse-moi, je te coupe, mais juste pour dire qu'un autre film assez intéressant qu'on a vu qu'une fois, que j'ai découvert récemment, Les Boulugres, qui était passé à l'Animathèque, est disponible en ligne et par le fils du réalisateur. Donc là, on peut imaginer que c'est plus entre guillemets légal, en tout cas, voilà, c'est plus voulu et c'est acheté. Donc voilà, c'est juste parmi ces films qui sont un petit des œuvres, des difficiles à voir. Oui, donc le long métrage, oui. Ensuite, effectivement, donc le studio Ghibli dans la veine de du studio Toei, les studios et productions, toutes les adaptations donc de séries pour enfants et autres, toujours la production qui conduit chez Toei, effectivement, toutes les et compagnie. Donc et puis ce qui vient ensuite, effectivement, de là aussi de la production télévisée, mais d'autres formes de naissance, c'est-à-dire les séries à succès du type qui viennent, qui sont liées aux jeux vidéo, les Pokémon et tout ce truc-là. Enfin voilà, on fait la série télé, on fait les longs métrages, ou ce qui vient effectivement toujours donc chez Toei dans des productions à succès du type One Piece et compagnie. Donc là aussi on a des séries télé fleuves, et puis on produit un long métrage par an quasiment. Donc il y a vraiment comme ça une sorte de constance avec des hauts et des bas, parce que moi cette production de long métrage m'évoque, on parlait un petit peu, je sais plus si on avait parlé de ça à l'antenne la dernière fois, mais m'évoque un petit peu la production de, par exemple, américaine de bande dessinée, où il y a des séries qui sont à succès, des personnages qui sont à succès, et puis en fonction des aléas de carrière des uns des autres, il y a des scénaristes ou des dessinateurs qui passent d'un titre à l'autre et qui font la qualité ou le manque de qualité d'une mouture ou d'une période à un moment donné de tel titre. Et ben là c'est la même chose, il y a des réalisateurs qui sont passés, il y a Hosoda qui a fait réaliser des trucs sur One Piece, etc. Ou et sur Shin-chan, tu disais à quel point il y avait des il y a des grands réalisateurs, effectivement, ben, Colorful, voilà, le réalisateur de Harakeichi a fait ses armes sur des titres comme effectivement Crayon Shin-chan, il a réalisé certains des meilleurs Crayon Shin-chan, et c'est pas le seul, hein, et ils sont plusieurs avant lui, il y a Rongo Mitsuru, après lui un autre, enfin sont des écoles en même temps, effectivement, qui permettent à des metteurs en scène de s'affirmer. Et puis ensuite de voler de leur propre aide, c'est-à-dire de se voir confier d'autres projets, parfois donc des films, des productions originales et plus ambitieuses, en tout cas qui s'affichent, qui ne sont pas identifiés d'emblée en référence à telle ou telle bande dessinée à succès ou tel personnage qui est déjà connu, etc. Voilà. Donc après il y a des... Oui, le studio Kado Grace dans ce paysage-là, c'est un studio d'animation commerciale, c'est un studio d'animation qui est complètement inscrit dans la logique de l'animation sur cellulose, c'est des animateurs classiques au sens de la production de dessins animés tels qu'ils existent au Japon, mais avec des ambitions effectivement esthétiques qui font que voilà, on produit Mind Game, on passe des années dessus, ils ont produit un certain nombre de longs métrages de cette nature-là. Il y avait Princesse Arrête avec Katabuchi, donc tout au long des années 2000, ils ont fait Mind Game ensuite, il y a eu Amer Béton. Là, il y a un film avec la Russie, ils font un... Alors il y a d'autres choses. Ouais, après c'est des commandes, c'est des pures commandes. Voilà, ça, on laisse tomber, on laisse de côté. C'est des choses parce qu'ils sont aussi prestataires. Et donc c'est vrai qu'ils ont une économie qui est très fragile. C'est un studio qui est peut-être le moins solide en termes économiques, hein, de la production commerciale. Et c'est lié aussi au fait de vouloir pour eux se situer en pointe effectivement d'une exploration formelle. Donc il y a les omnibus qu'ils ont produits aussi, les Genius Party 1 et 2. Peut-être un jour il y aura peut-être un troisième, on verra. Mais c'est sur le même principe, c'est-à-dire que c'est diffusé comme des longs métrages. Et ça a une économie qui est vraiment, ils produisent, c'est eux qui produisent le long métrage avec les budgets les plus faibles, je pense. Est-ce que Mind Game, tu sais combien ça a coûté? T'as une idée? J'ai pas le chiffre en tête, mais je pense que c'est moins que ce que produisait déjà, par exemple, quelqu'un comme Satoshi qui produisait des longs métrages de dessins animés pour 3 ou 4 millions d'euros, en gros. Un film comme Princesse Arrête a dû être produit avec 2 millions d'euros. Donc c'est vraiment un prix truc incroyable en France. C'est de la guérilla absolue. Oui. C'est qu'on met à contribution des gens en un petit nom, comme ça on forme une petite équipe qui va trimer pendant très longtemps et qui va du coup conserver effectivement une cohérence formelle, mais aussi effectivement ça coûtera moins cher. Qu'est-ce que tu dis aux gens, toi qui connais bien, que c'est des gens qui ont tendance à dire, moi quand je dis ces prix-là, on fait ah oui mais c'est le Japon. Il y a pas par exemple comme en France, hein, tout l'argent à payer, etc. Enfin. Est-ce que c'est aussi des gens qui d'un seul coup se battent par rapport à un film et sont derrière, et quand on est un animateur, quand on voit au Japon, dans des documentaires juste Miyazaki dire ah ben moi je vais faire pas l'intervalle ou animé, mais en tout cas où l'animateur dire je vais bosser sur l'intervalle s'ils ont pas fini, est-ce qu'il y a vraiment ça qui change par rapport même à ce qui se passe en Europe? Mais parce qu'on a là-bas tout simplement ils ont pas le statut d'intermittent du spectacle, ce merveilleux statut qui fait que chacun est là pour ses billes en gros d'une certaine manière. c'est l'un des revers de la médaille, hein. C'est très bien d'avoir ce statut-là pour encourager une création personnelle au-delà d'un certain degré d'investissement dans la profession. En général, j'ai l'impression que ça marche assez peu. Là-bas, au Japon, ça, c'est peut-être même un critère qui est plus important que la compétence technique ou le talent. C'est la dévotion au projet. C'est quelque chose qui va de soi. Et on est là, on est tous sur le même bateau. Et c'est important pour tout le monde que le bateau arrive à bon port. Si possible en un morceau, quoi. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va tellement de soi que ben voilà. C'est alors après effectivement les gens sont payés au Japon. C'est pas du tout quelque chose qui faille considérer comme une raison de se réjouir, hein. Les gens sont payés dans la production commerciale au Japon à des tarifs qui sont hors la loi, qui sont illégaux par rapport au SMIC local. C'est bien simple. Et ça quand on fait les moyennes, on le sait. Les gens sont payés 400 yens de l'heure en moyenne, alors que le SMIC là-bas, même là-bas, est au moins le double. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Des gens qui veulent absolument travailler dans ce milieu-là et qui font que bon ben ils travaillent à des niveaux de rémunération qui sont misérables et ils se sont pas organisés jusqu'à présent en syndicat ou en guilde. Quand ils ont essayé de le faire là ces dernières années, ça a donné des résultats malheureusement qui restent assez peu glorieux. Il faut bien le dire, avec cette association qui s'appelle Janica, donc qui a été fondée par des vétérans animateurs donc dans la deuxième moitié des années 2000 et qui a été aujourd'hui récupéré par les pouvoirs publics de manière indirecte. Enfin, c'est très compliqué. Ça fonctionne pas. Ils ont pas cette culture effectivement de faire valoir leurs droits en tant que profession. C'est pas du tout ce qui s'est fait à un moment donné en France. Et quand je pense à la fin des années 70, au début des années 80, avec la montée de la télé, avec l'instauration justement d'un certain nombre de systèmes qui pour que justement la télévision finance le cinéma, par exemple. Ça, on sait que ça a été un combat de longue haleine en France. Qui s'est terminé de manière, je pense, relativement satisfaisante, effectivement, pour un certain nombre de professions. Il n'y a pas d'équivalent au Japon. Donc même si maintenant, il n'y a pas de syndicat d'animateurs, par exemple, en France, et qu'on sait que maintenant que le capitalisme arrive un peu plus dans l'animation, qui jusqu'à présent, on restait plus dans l'artisanat, on en reparlera forcément dans une émission, parce que là, il y a plein de choses qui sont en train de passer sur les stages, etc. On se rend compte à quel point, en effet, ces statuts-là qui étaient d'or, à un moment donné, où on partait à 18h, j'exagère, je caricature, mais un petit peu quand même, c'était un peu ça. Moi, j'ai vu ça dans les studios, en tout cas, et on se foutait un petit peu de la série, et on touchait pas mal d'argent, et que là, d'un seul coup, on commence à supprimer les storyboards, les storyboarders des séries, alors qu'évidemment, c'est fondamental, oui, dans les studios, parce que ça coûte trop cher. Donc, il faut aller plus vite. Ouais. Donc, voilà. Donc, en France aussi, c'est compliqué. Loin d'être aussi simple. Le système mérite effectivement d'être un petit peu amélioré. Je te coupe, on repart sur quelqu'un comme Ken Satoshi, par exemple. Oui. Ses films marchaient en salle. Comment ça se passait dans cette production Kon Satoshi, les films de Kon Satoshi comme les séries de Yuasa, donc Kimonosume ou comment ça s'appelle en anglais la série sur le Tatami Yojohan Shin Watake en japonais, c'est Tatami Galaxy. Tatami Galaxy en anglais, tout à fait. Qui ont été produites aussi chez Madhouse, ou les longs métrages de Katabuchi, par exemple, comme Mai Mai, qui a été produit donc chez Madhouse après qui soit passé par Kadrosé. Kadrosé, c'est une sorte de vivier qui permet aussi à des gens s'affirmer. Et puis Madhouse, à une époque, effectivement, récupérait pas mal de ces talents-là. Kon Satoshi, c'est un cas vraiment particulier, je dirais. C'est vrai que ces films n'ont jamais fait de grands succès économiques au Japon même, hein. Mais ils ont été repérés d'emblée, et c'est quelqu'un qui a été repéré par Maruyama, donc le fondateur de Madhouse, donc ce studio d'animation commerciale qui a fait beaucoup de séries, beaucoup de longs métrages. C'est lui qui allait le chercher, Maruyama, comme il a été cherché à certains d'autres talents comme ça, et qui lui a proposé effectivement de réaliser, de passer réalisateur. Et donc c'est quelqu'un, Kon Satoshi, dans son dernier message notamment qui a été mis en ligne après sa mort, le redisait très très simplement, c'est lui son père en dessin animé, c'est lui qui l'a enfanté en tant que réalisateur. Donc il y avait ce lien de confiance entre eux qui était une évidence, un point de départ pour lui. Et donc Madhouse a pas mal changé. Ils ont été longtemps dans un endroit donné, dans le quartier d'Asagaya à Tokyo. Ils ont déménagé, je sais plus quand c'était, vers le milieu des années 2000, pas très très loin. Mais moi, je me souviens que Kon Satoshi, quand il était donc dans ce studio précédent, il avait un coin à part. C'est-à-dire que Madhouse, il avait un étage énorme dans un bâtiment très grand, et puis il y avait une espèce d'annexe C'était 30 mètres de là, quoi. Dans un autre bâtiment, il fallait prendre un petit ascenseur. Et là, il y avait une espèce d'appartement, en gros, qui avait été réaménagé en tant que lieu de travail. Et là, c'était le lieu de travail de Kon Satoshi. Il n'était pas avec les autres, quoi. Il était vraiment un petit peu, donc, à part. Je pense que ça dit quelque chose, effectivement, de son rapport. C'est pas quelqu'un qui a fait ses armes dans l'animation à la base. Il est dessinateur de BD. Il a mis le doigt dans l'engrenage de l'animation pour aider à des projets parce que les gens lui ont demandé de venir. Mais c'est pas sa formation à la base. Donc, il a toujours su conserver, effectivement, d'une certaine manière, son originalité et son ton, sa liberté de ton. Est-ce que, pour quand même savoir, je l'avais dit à ce micro-là et je ne l'ai pas fait, mais je veux absolument le faire parce que j'ai lu sur Twitch, un autre site, la production du dernier est vraiment arrêtée ? Est-ce que toi, tu sais ? Est-ce que, Il y a des annonces qui sont contradictoires. Le studio a annoncé après sa mort donc qu'ils allaient poursuivre la production donc de ce film qui s'appelle Machine qui rêve qui était vraiment la prochaine étape l'entrée dans une autre période je dirais de son travail une période beaucoup plus grand public. Il avait fait le tour, je pense, avec ses 4 longs métrages et sa série télévisée sur cette thématique qu'il a beaucoup intéressé effectivement dès ses débuts comme dessinateur, qu'il a façonné d'une certaine manière. Et là, c'était un long métrage vraiment qui s'adressait notamment au public enfantin, avec une histoire de robot qui s'adressait au public familial, même si c'est une histoire très. Il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées. D'une part, effectivement, le réalisateur n'est plus là. Il n'a pas terminé le storyboard. S'il avait fini le storyboard, le film aurait pu être fait, je pense. Il était sur les rails. Il a pu achever que la moitié du storyboard. Donc à partir du moment où lui n'a pas finalement cristallisé ses intentions de mise en scène dans le storyboard comme il le faisait de manière unique, avec un dessin extrêmement précis qui bétonnait tout déjà, il y a cette part d'aléatoire. Il y a une autre part d'aléatoire qui peut vous sembler idiote peut-être, enfin c'est pas le bon mot, mais qui peut sembler dérisoire, et qui a aussi amené au fait de renoncer pour un autre studio, une autre chaîne de télé à diffuser par exemple le dernier film de Miyazaki qui s'appelle Ponyo, que vous connaissez, qui décrit ces espèces de grands tsunamis, etc. Le film devait passer à la télévision l'an dernier. Je pense que l'été, ils ont renoncé à la diffusion. Et si vous revoyez le film, vous comprendrez pourquoi. Et dans le film de Kon Satoshi, c'est la même chose. Il y a une histoire comme ça, une énorme vague qui vient engloutir c'est une histoire post-apocalyptique, j'y arrivais, même si elle s'adresse au public enfantin. Et donc, ça, c'est en soi aussi effectivement, un événement qui est de nature, effectivement, à bloquer la production. Parce que effectivement, pour les gens qui mettent leurs sous dans ces histoires-là, ça pose un problème. Et ça peut poser un problème lourd. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer comme ça d'un revers de main. Donc, il y a tous ces problèmes qui font que. Et puis après ça, il y a le studio Madhouse aujourd'hui dans une situation qui est un petit peu différente de celle d'il y a 2 ans. Voilà. Est-ce que, parce que moi, quand j'avais entendu ça, évidemment, ne connaissant pas tout ce que tu viens de nous dire, était très embêté par. Voir ce projet, on n'avait plus en voir. Je me disais, il faut lancer pas une pétition, mais quelque chose par rapport aux producteurs français. Se dire, il faut quand même qu'il y ait des gens qui viennent peut-être compléter, mais est-ce que ça servirait à quelque chose? Ou là, non, c'est quelque chose qui doit d'abord se. Ça aurait un sens. Bon, c'est très très compliqué. Je ne sais pas jusqu'où on peut en parler vraiment de manière comme ça. Libre officiel, les ondes. La situation du studio de Madhouse a changé de manière relativement importante, notamment du fait que M. Maruyama, donc, qui est le fondateur du studio, est parti. Il a créé une nouvelle structure. Donc c'est plus lui qui est aux manettes. Et c'est lui qui voulait absolument. Lui avait vraiment été déterminé, quoi qu'il arrive, à produire ce film, à le mener à son terme. Il l'avait promis au réalisateur. Du fait que il avait réussi à trouver les fonds pour continuer la production. Donc ça, c'était avec Sony à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais du fait que lui n'est plus à bord, du fait qu'il y a ces différents problèmes, parce que Madhouse a mené des projets en collaboration avec des studios, notamment des distributeurs français. On pense effectivement à Yona Yona ou au Chien du Tibet, ou je ne sais pas quels autres trucs qui ont été pour lesquels des distributeurs français ont pu aussi effectivement participer donc s'engager sur la production. Ça aurait été l'idéal, effectivement, de pouvoir monter un projet. Parce que là, vraiment, ça aurait été un film qui aurait mérité, je pense, qui aurait trouvé de l'intérêt assez facilement chez les distributeurs français. Et malheureusement, je ne sais pas si techniquement c'est jouable ou pas, voilà, aujourd'hui. C'est, comme tu l'as dit, quelque chose qu'on aurait pu développer. On ne va pas le faire parce qu'il y a plein d'autres choses. Juste puisque j'étais dans le studio en direct. Oui. Et comme moi, je n'ai pas la télé, je sais bien que ce n'est pas forcément la chose la plus intéressante. Est-ce qu'il y a des séries aujourd'hui, à part ce qu'on connaît, ce qui est plus traditionnel. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a 2-3 séries Je sais que quand Yuasa était venu au Forum des images, je vous avais dit à quel point finalement il fallait pas non plus faire des choses très, enfin, enjoliver les choses. Et au Japon, c'était très difficile aussi parce que les bonnes séries passaient à 2h du matin sur le câble. Enfin, bonnes ou mauvaises, il y en a beaucoup qui passent à 2h du matin. Aussi, bon, mais les quelques bonnes, et lui disait que par exemple, c'était difficile des fois de les passer dans. Est-ce qu'il y a des très très bonnes séries? Il y a des séries qui ressortent. Il y en a des bonnes, il y en a des très bonnes. Il y en a très peu. C'est sûr que par rapport au tout venant de la production, c'est quand même une minorité de titres, et on est vraiment à un pourcentage qui est, enfin, mais qu'on pourra retrouver dans d'autres domaines, je pense, hein. Si on atteint 10% de la production qui mérite l'attention, c'est déjà bien. Bien sûr. Après, ça dépend. Il y a toutes sortes de manières de marquer son intérêt pour une série. Moi, ce que j'admire toujours chez certains observateurs japonais, c'est que leur capacité, effectivement, à suivre ce qui se fait en série, mais y compris dans les séries les plus typées, les plus caricaturales parfois, qui s'adressent vraiment à des publics de niches très très précis, mais ça peut être les fillettes, ça peut être les petits garçons, que sais-je, vraiment mais on y trouve quand même effectivement une qualité, parce que comme je disais tout à l'heure, dans cette production de bande dessinée américaine, il y a effectivement des gens de talent qui se trouvent par le cours des événements à officier sur ces différents travaux, et donc on peut pas balayer non plus d'un revers de la main cette production en disant voilà, c'est de la télé, ça vaut pas le coup. Non, on sait pas ce qu'il en est. C'est comme on peut pas balayer tel ou tel super-héros, même si son costume est ridicule, parce que il arrive à un moment un type qui en fait quelque chose d'incroyable, quoi. Et donc voilà, c'est ça. Alors, deux trois noms de séries, à ton avis, dans la production des 2-3 dernières années, moi je regarde pas je suis plus au Japon, mais même quand j'étais là-bas, je regardais pas la télé, enfin la vie est trop courte aussi, il faut bien dire, faut faire des choix, mais les séries du Uasa, effectivement, donc Tatami Galaxy, c'est un truc absolument incroyable, ça c'est vraiment, il faut le voir. La série a remporté le grand prix au Media Arts Festival, donc organisé par l'Agence des Affaires Culturelles, l'équivalent du ministère de la Culture pour la France. C'est le grand prix, c'est la première fois qu'une série télévisée remportait le grand prix. C'est vraiment un choc culturel, du coup. C'est une 13 épisodes, il s'est fait plaisir. C'est un festival, vraiment. Là, vraiment, il est dans son univers, il s'est emparé du roman, il en a fait un truc. C'est Bill Plimpton qui disait que Mind Game, c'est le Citizen Kane de l'animation, mais là, c'est, je sais pas ce qu'il faut trouver comme qualificatif, parce que c'est très bien trouvé, c'est vraiment ça, effectivement, on peut comprendre aisément, effectivement, la raison pour laquelle Plimpton applique cette étiquette-là à Mind Game. Mais là, dans une logique de série, il va et vient, il revient, il explore des pistes parallèles, il tisse des parallèles, justement, donc des correspondances entre différents épisodes, en jouant avec ses personnages, en jouant sur des parodies, sur des contre-pieds. Donc, il joue avec les attentes du spectateur de manière absolument incroyable, ça c'est un festival, vraiment. Ça, après, des séries qui ont pu susciter l'attention pas mal, c'est comme Den no Coil, effectivement, donc de Isomizu, c'est produit aussi par Matt. Doucement, rappelle-toi. Den no Coil, c'est une série qui date d'il y a déjà 3-4 ans, qui est une série courte, là aussi, dans 13 épisodes, réalisée par un animateur qui s'appelle Isomizu, qui est un très bon animateur, et donc c'est une histoire de gamins dans un futur proche qui ont des lunettes. Qui leur permettent donc de vivre toutes sortes d'aventures en étant connectés à l'internet, etc. Bon, bref, c'est très bien fait, c'est très joli, c'est très soigné. Pour moi, c'est une bonne série sans être forcément exceptionnelle, mais bon, on peut discuter de tout ça. Mais c'est des questions d'ambition, de rencontre, effectivement, entre des ambitions de producteurs, des ambitions de créateurs. Et en l'occurrence, là aussi, il se trouve que les deux titres que j'ai donnés ont été produits à Madhouse à un moment donné. Je suis pas sûr qu'on en trouvera d'autres à l'avenir, parce qu'effectivement, donc, le studio a été racheté par une chaîne de télé qui s'appelle NIT Télé, donc NTV, Nihon Télévi, qui est le partenaire historique des films du Ghibli aussi. Et donc, dont l'idée, c'est ils sont venus pour éponger des dettes qui sont assez importantes du studio. Et puis, ils vont produire des choses qui seront plus rentables. Voilà. Donc, en long et en série, si je comprends bien, pour clore, il faut avoir quand même derrière un studio qui ose donner sa chance, même à quelqu'un en disant, tu restes dans un coin, mais tu fais ce que tu veux. Tout à fait. Ça, voilà. Et je pense que c'est des productions qui s'adressent à un public tel, et elles sont dans une structure, effectivement, de masse telle qu'il y a moyen, effectivement, de s'appuyer sur des relais pour connaître ce qu'il mérite d'être connu. Quelque chose qui est intéressant, on en parlera. Et donc, il y a moyen, effectivement, suffit d'entendre un petit peu l'oreille. On n'est pas obligé de suivre, comme certains observateurs au Japon, d'enregistrer tout ce qui passe à la télé, etc. Enfin, ils sont très, très forts. Hein. Il y en a qui sont, ce qui leur permet aussi à une époque où il y avait pas vraiment de moyens d'information sûrs, d'avoir la liste technique de chaque épisode sur le magnétoscope. Et il y a des gens qui ont fait leur travail pendant des années de compiler ces données-là. Donc c'est très précieux, c'est très important, mais bon, ouais. Voilà. Alors, quand, pour l'amateur du cinéma d'animation, en court-métrage, on revient en court-métrage, il y a eu un moment donné qui est important, enfin pour moi en tout cas, donc je sais pas pour tout le monde, mais je suppose, qui était fondamental, c'était la découverte, même si on pouvait avoir vu Babel's Book avant, de Hatamayama, le nom chef, à Annecy. En 2003. Bon, en 2003. Il y a eu une espèce de révélation en disant, ah, au Japon, en court-métrage, il y a de nouveau plein de choses. Ce qui est peut-être faux, tu vas nous en parler. Est-ce qu'on peut dire que Yamamura, donc Koji, le réalisateur de Hatamayama, est cette figure tutélaire, on pourrait dire aujourd'hui presque, de l'indépendance pour au Japon. Pour l'animation de court-métrage, oui, on peut le dire, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu d'autres personnes entre Yuji Kuri, Keiichiro Kawamoto, dont on parlait, et maintenant, donc Yamamura Koji. Est-ce qu'il y en a eu d'autres à ce moment-là, ou est-ce que vraiment on peut dire qu'il y a eu un vide et que lui arrive et... Alors là, c'est toujours beaucoup plus compliqué, parce que là, l'ancrage de cette question, il est dans une forme de, comment dirais-je, il se place sous l'angle de la réception, savoir qu'est-ce qui nous est arrivé. Et si on regarde de plus près, il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées en réalité, y compris dans le domaine du court-métrage. C'est toujours très étonnant. Moi, quand on tombe sur des catalogues de festivals de court-métrage comme Clermont-Ferrand, il y a, par exemple, il y a une édition, je ne sais plus si c'est en 86, 89, à Clermont-Ferrand, il y a une rétrospective japonaise avec 4 programmes de court-métrages, avec des réalisateurs qui viennent, avec des documentaires, avec des trucs. Il y a des choses qui sont passées à différents moments. Je veux dire, c'est... l'animation de court-métrage au Japon, il faut comprendre qu'effectivement, donc, elle existe d'abord à une époque où cette distinction n'a pas de sens, tellement entre le court et le long. Et puis, donc, il y a le début de ce Toei qui forme un tournant en 56, où ils produisent aussi du court-métrage au départ. Pas mal pour se faire un petit peu les dents, avec de très belles choses. Et puis, donc, au tour des années 60, c'est Kuri. Mais il y a d'autres veines qui courent à travers l'histoire de la production japonaise. Et je voulais vous parler un tout petit peu d'un programme télé qui s'appelle Minanota. Alors, ça, c'est un truc, c'est l'ancêtre du vidéoclip. Ça commence en 61. Donc, la télé au Japon commence en 53 et, pour la télé publique. Et puis, ensuite, très vite, les chaînes privées commencent. Ça, c'est un programme de la NHK, donc de la télé publique japonaise, qui commence en 61, donc qui a fêté l'an dernier déjà son demi-siècle. Et où on demande donc, Minanota, c'est nos chansons à tous. L'idée, c'est que, de choisir des chansons qui sont connues, suffisamment connues, ou, qu'on estime qu'elles le méritent, et on fait réaliser, en prise de vue réelle, ou en animation, eh bien, ce qu'on appellera aujourd'hui un vidéoclip. Et donc depuis 50 ans et plus, et ça continue aujourd'hui, ils en produisent quelques-uns par an, on demande, à l'époque surtout, on demandait beaucoup effectivement à des auteurs d'animation qui se réclamaient effectivement de l'animation d'auteur, des gens des alternatives, donc Kuri en a fait une pléthore, la plupart des réalisateurs de court-métrage d'animation en ont fait au moins un, et c'est une forme de consécration de participer à ce programme, parce que c'est très connu, c'est diffusé sur la chaîne éducative de la NHK, donc c'est vu par les enfants et par les familles. Donc c'est une lucarne absolument incroyable pour être reconnu. Et donc je vous fais passer là, il y a eu un coffret qui est sorti là il y a quelques années, 2-3 ans, avec en 12 volumes, juste pour que vous voyez par époque le site graphique, vous allez voir que c'est très la chance d'être alléchant. En studio et de pouvoir voir ça. Voilà, alors mais donc vous cherchez nos chansons à tous, Minanota. Je pense qu'on peut en trouver aussi en ligne, il faudra regarder un petit peu ça, on verra ça après. Et donc voilà, il y a moyen comme ça de se faire connaître pour un certain nombre de gens, donc de cette génération des 60. On parlait le mois dernier donc de ces trois générations, c'est très schématique, mais en gros la génération des 60, celle des années 80 et puis celle des années 2000. C'est un découpage que Yamamura aime bien effectivement mettre en avant pour simplifier les choses. La génération des 60, c'est Kuri, effectivement, c'est Kawamoto, mais c'est tout un tas d'autres gens autour d'eux. C'est Tsukioka Sadao, c'est des gens qui viennent de Toei, donc c'est Shimamura, c'est Aihara dont on parlait aussi le mois dernier. C'est tout un tas de gens qui vont se lancer dans cette création-là, alors sous l'influence effectivement de que ce soit de McLaren, que ce soit du trio d'animation de Kuri ou d'autres réalisateurs. Et qui organise des projections, des réunions, des mini-festivals dès le début des années 60 et jusqu'au début des années 70. En 71, donc est créé un groupement qui est censé être la section japonaise de la CIFA, donc c'est sous le terme de JAFA, donc le Japan Animation Film Association, qui va rentrer très vite en hibernation. Je vois que Florentine reprend des notes. Ça va être très vite, comme souvent effectivement dans ces milieux en marge. Comme elle a été aussi la CIFA effectivement pour l'animation, des instances qui visent à être représentatives d'un point de vue international, qui sont très vite les lieux de querelles et de crêpage de chignons divers et variés. C'est le cas au Japon aussi. Donc, ce qui mène en 78 à la création de la JAA, donc la Japan Animation Association, qui est d'une certaine manière la remise en mouvement, en activité de la JAFA, et qui est une alternative à la CIFA Japon qui existe par ailleurs. Voilà. Ce serait pas mal d'avoir ça en France. Une alternative à l'AFCA, pardon. Bah non, c'est l'AFCA, la CIFA. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, maintenant, on est dans une alternative. On est dans un schéma très proche, hein, vraiment, entre la France et le Japon. Là, vraiment, le fait de vouloir se démarquer, de dire que c'est un sens d'avoir une association nationale représentative, indépendamment d'une antenne de la CIFA, eh bien, c'est quelque chose qui a fait sens chez eux comme chez nous, à un moment donné. Bon. L'animation de court-métrage, oui, donc effectivement, Yamamura nous apparaît comme évident, comme ça, comme une sorte de nez au milieu de la figure, parce que il correspond à un certain nombre de canons de cette animation d'auteur telle qu'elle a été définie dans les années 60. C'est l'animation, effectivement, donc non commerciale, l'animation individuelle, l'animation dans cette visée internationaliste, effectivement, de collaboration, de coopération internationale, parce que la CIFA dans les années 60, faut qu'on comprendre dans quel contexte ça s'inscrit. C'est la guerre froide, c'est pour créer les statuts de la CIFA, c'est des mois de débats, d'interrogations, les représentants soviétiques qui viennent, qui disent, bon ben voilà, nous on peut rien vous dire, on va ramener ça chez nous et on va en référer et puis on en reparlera. C'est ça ce qui est en jeu. Donc créer une entente commune, une base qui permette effectivement de faire circuler les films et voir les personnes, vous imaginez. Donc c'est cette idée-là, donc de collaboration internationale non commerciale, donc c'est-à-dire a priori, indépendamment des questions de profit ou autre, on peut faire circuler les films, même si cette circulation n'est pas rémunérée. Cet idéal-là, qui s'est perdu en cours de route, à un moment donné, parce que la CIFA aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était dans les années 60, on peut l'imaginer aisément. Eh bien, cet idéal-là, Yamamura, lui, l'a fait sien de manière évidente, de manière première, puisque il a dans son parcours un certain nombre de déclics. Il a commencé à faire des films à l'âge de 13 ans sur la base effectivement du Super 8, hein, du format 8 mm qui permettait de faire des films individuellement. Donc il est au collège quoi à l'époque. Et puis il y a un choc qui est dans ses années de lycée, c'est la découverte des films de l'ONF. Puisqu'il suivait des cours, une option art plastique, et le prof avait ramené des films qu'il avait empruntés à l'ambassade du Canada, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de vidéo, donc les ambassades des différents pays, les différents services culturels avaient des films, et des films d'animation aussi, qu'on pouvait aller emprunter gratuitement. Et le Canada, même en France, hein, c'est vrai qu'il a toujours fait beaucoup, beaucoup d'efforts par rapport à la production de l'ONF. Et ça c'est décisif, parce que des gens, n'importe qui, à la limite, pouvait aller emprunter des films 16 mm pour organiser des projections. Et découvrir des films. Donc lui a vu notamment Le Paysagiste, Mindscape, ouais. Donc de Jacques Drouin, et donc il a ouvert les yeux sur autre chose, complètement autre chose. Et une étape de plus, c'est en 85 le premier festival de Hiroshima, où lui il a 21 ans, il est étudiant à la fac, il y va. Il y a Ish Patel, donc ce grand réalisateur indien qui a travaillé aussi à l'ONF, qui a réalisé ces films absolument incroyables, donc Bees Game, Après la vie. Ces films vraiment ahurissants, il fait partie du jury, il organise un atelier, un workshop, et donc Yamamura participe au workshop en tant que il est là pour et donc ça faut comprendre évidemment que ça forme une orientation décisive, je pense, dans son parcours. Et pour lui, l'animation, c'est ça. Donc, quand on parle de cette seconde génération des années 80, il y a plein de gens. Il y a Ito Yuichi, Ito Takashi et autres. On peut citer plein de monde. En réalité, il y a plein de réalisateurs aussi qui ont fait leur début dans les années 70, hein, ou qui sont affirmés dans cette période-là. Mais il y a clairement un passage de relais à ce moment-là qui se met en place. Et pour Yamamura, le fait d'être présent, il a eu un film présent quasiment à toutes les éditions du Festival de Hiroshima, c'est un réalisateur, un auteur qui a été rendu possible par un festival comme Hiroshima. Donc là, on est typiquement dans le rôle des festivals. Comment un festival sur le long terme va permettre effectivement l'éclosion de talents? Et donc avec le Mon Chef qui a le Grand Prix en 2004, avec Kafka qui a le Grand Prix en 2008, c'est un doublé donc qui n'a pas de précédent dans l'histoire de ce festival. Voilà, il y a clairement un rapport organique entre les. Ce qui est important, excuse-moi, mais ce qui est vraiment, avant de revenir sur la mémoire, parce que qu'on n'oublie pas, c'est des gens qui écoutent, et s'il y a des écoles qui nous écoutent, tu nous prouves l'importance, évidemment, de la diffusion à l'intérieur des écoles, justement, de pas uniquement de la technique et de la compréhension, la technique d'animation, qui est certes importante, mais aussi de toute une culture, soit en animation ou même en prise de vue directe. Mais... Et au-delà de ça, donc, ce qui fait que Yamamura nous apparaît aujourd'hui comme une évidence, c'est que lui a toujours fait en sorte d'envoyer ses films aussi dans les festivals à l'étranger. il a systématiquement, à chaque fois qu'il a pu, il l'a fait, à ses frais, etc. C'était pas le problème. Il a, pour lui, ça, le fait d'avoir été marqué par les productions étrangères, le fait d'avoir été traumatisé par le cinéma de Prix de Parne et celui de Nordstein, et de le considérer, alors qu'ils sont si différents et si antagonistes d'une certaine manière, l'un et l'autre comme ses mentors, bah, le fait de pouvoir aller dans ces pays-là, les rencontrer, les côtoyer, essayer d'apprendre encore ou de se former auprès d'eux, auprès de leurs contacts, pas seulement de leurs films. Et ben voilà, c'est il dit quelque chose effectivement de la vie de cette communauté aujourd'hui. Et je pense qu'il a sa place vraiment dans cette communauté. Il a pris place avec le Monstre Chef, mais c'est le résultat d'une maturation souterraine, peut-être beaucoup moins visible, beaucoup moins facilement perceptible, mais qui a couru sur une décennie avant, quoi. C'est quelqu'un qui travaille seul avec sa femme, notamment, oui, avec quelques personnes, mais finalement qui travaille quasiment seul. Et au niveau des productions, il a quoi, comme beaucoup de gens en France, il fait des séries, comment il travaille? Il a fait un petit peu de séries, mais l'économie, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors, il a commencé, en fait, à la sortie de l'université, il a commencé à travailler dans un petit studio de sous-traitance qui faisait des décors, enfin, qui fait toujours des décors, qui s'appelle c'est le Moko Studio, donc du nom de son fondateur. C'est le studio de décor qui a fait, par exemple, tout le travail artistique sur un film comme Gauche le violoncelliste. Mais ils ont fait beaucoup de sous-traitance sur plein de séries, dessins animés. C'est très drôle parce que quand on regarde justement une série comme Les Chevaliers du Zodiac en France, si vous regardez les génériques en japonais, il y a un des épisodes où on voit le nom de Yamamura au décor, quoi. De Chevalier du Zodiac. Ouais, il a bossé 2 ans chez Moko, mais il faisait déjà ses films lui déjà donc depuis l'adolescence. Très clairement, ça lui convenait pas. Donc au bout de 2 ans, il est parti. Il a dit voilà, les gens du studio s'en souviennent. Je me souviens, Monsieur Moko, donc le fondateur, est décédé en 92. Mais moi, j'avais parlé un petit peu avec son épouse, qui m'a dit, lui, on savait d'emblée effectivement. C'était très clair que c'était autre chose qui l'intéressait, et donc on a essayé de l'accompagner comme on a pu effectivement. Donc il est parti. Il a travaillé en freelance. Et puis il a créé son studio à lui, c'était donc Yamamura Animation, dans la première moitié des années 90. Il a fait beaucoup de choses qui sont des travaux alimentaires qu'il ne revendique pas, mais qui lui ont permis effectivement de travailler. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, que moi j'ai découvert pour la première fois. Il y avait un événement qui a été organisé par un chercheur sur son travail à lui, donc c'était il y a 2 ans de ça. Et qui a fait ressurgir ça, toute cette phase immergée de l'iceberg. Il a fait beaucoup de choses d'animation, de commandes pour des cassettes vidéo promotionnelles, en fait, qui accompagnent des brochures pour l'apprentissage des langues. Donc, vous apprenez l'anglais pour les enfants, et tout comme ça. Et donc, c'est très, très, très déroutant parce que le dessin, la patte graphique, c'est celle de Yamamura, et la mise en scène n'a rien à voir avec Yamamura. C'est des trucs, c'est de l'éducatif, de l'edutainment, si on veut absolument coller des étiquettes horrible sur ce que, mais donc qu'il a mené, je veux dire, sans état d'âme, qui n'ont pas circulé en dehors, et puis voilà, mais qui l'ont permis effectivement donc de travailler en parallèle à ces films. Mais donc ça, c'est à partir du moment où on a une vision claire de ce qu'on veut faire et qu'on sait que quoi qu'il arrive, quels que soient les bâtons qu'on nous mettra dans les roues, on fera les films qu'on veut faire parce qu'ils sont portés par une nécessité intérieure. Ben on fait le nécessaire pour effectivement réussir à y travailler, à trouver le temps et les moyens d'y travailler. Donc c'est ce qu'il a fait. Le Mon Chef, quand il dit qu'il a travaillé 6 ans dessus, en fait il a travaillé 2 ans sur le film, et le reste du temps il l'a préparé, et puis c'est le temps qu'il a passé à bosser par ailleurs pour pouvoir se permettre de travailler sur ce film-là, quoi. On a l'impression que ça arrive vite quand même, parce que moi je me rappelle avoir vu Babel's Book. Oui. En 96, ouais, si je dis pas de bêtises, oui. Aussi. Babel's Book, c'était un projet de série courte, de série de court-métrage tiré d'univers littéraire. Donc c'est Borges qui l'adapte sur et puis ça n'a pas vu le jour. Il y a cette série très courte qu'il a faite aussi dans 18 épisodes de qui s'appelle Pakushi, qui est une très belle série produite par l'NHK. Il y a un moment, en fait, a joué un rôle de précurseur un peu pour un autre programme de l'NHK. C'est pas Nos Chansons à Tous, c'est Petit Petit Anime. C'est un programme qui a démarré dans la deuxième moitié des années 90 et qui est une sorte de pendant qui a pas besoin d'être musical, où on confie effectivement, ils ont un budget annuel pour faire produire quelques courts-métrages qui s'inscrivent dans un format court de quelques minutes, mais pour lequel à chaque fois on peut faire appel effectivement à une patte graphique, à un créateur indépendant. Et donc lui, c'est les 3 courts-métrages qu'il a réalisés qui sont sortis en salle à l'automne dernier, donc c'est les Drôles d'oiseaux, Caro et Pio Boop, qui sont de très très beaux films justement d'exploration formelle, qui disent déjà tout ce que lui va embrasse du regard en termes d'exploration formelle pour l'animation, hein. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. J'ai vu des extraits, mais je sais pas. Ah, ils sont sortis, il faut absolument les voir. C'est absolument incroyable. C'est des films sur lesquels ils travaillent en semi-volume. C'est-à-dire, les corps des oiseaux sont en pâte à modeler. sur une plaque en verre. Les têtes et certaines autres parties du corps sont des éléments qu'il a créés aussi en poupée, donc en marionnette, qu'il a photographié et qu'il découpe. Et donc, pour jouer sur des effets de lumière, il explore donc un jeu entre la plat, la dimension plate et le volume. Et c'est des petits bijoux vraiment. Ils étaient déjà dans le DVD dans le DVD des films tout à fait. Donc ces trois courts métrages sont déjà programmatiques. Et donc c'est cette expérience-là avec l'NHK qui a amené l'NHK ensuite à vouloir produire petit animé. Voilà. Et donc ensuite il y a cette série en 18 épisodes qui s'appelle Pakushi, donc qui explore en des épisodes d'une minute sur le même principe effectivement. Donc Pakushi, c'est un des personnages qui apparaissait dans ces trois petits courts-métrages, une espèce de grosse créature très ronde qui est l'équivalent d'un bébé en fait. Et dans cette série de d'épisodes courts d'une minute pour l'NHK, il explore le regard de ce personnage-là. C'est le regard d'un très jeune enfant, d'un bébé, donc qui est avant le stade du langage, sur le monde qui l'entoure. Donc c'est vraiment, là on est dans quelque chose que l'animation peut explorer avec un bonheur inégalable, vraiment. Donc c'est une série, mais c'est vraiment, c'est du pur bonheur. Et puis là, en ce moment, il travaille depuis l'an dernier sur pour la NHK encore, sur des petits segments aussi d'une minute qui sont, là, on se refait pas, qui s'inscrit dans le cadre d'une émission, donc là aussi d'apprentissage des langues, donc pour apprendre l'anglais. Mais c'est très très joli, hein. C'est vraiment des choses, là aussi, à chaque fois, il y a une histoire, il y a un scénario, et puis il anime une minute par mois, je crois. Voilà. De toute façon, il le dit lui-même qu'en effet, ces séries, ou en tout cas ce qu'il a fait, plus produit pour la télé, notamment la NHK, lui ont servi énormément, comme tu le disais, à travailler esthétiquement et à... Tout à fait. Voilà, il a fait ses armes dessus. Et puis, c'est pas le tout venant de la série. Je veux dire, c'est des séries qui sont acceptables, je veux dire, pour lui, d'un point de vue créatif. C'est pas se renier que de le faire. Vraiment, il y a de très belles choses, quoi. Voilà. Alors, comme toujours avec Inan, enfin, encore une fois, ça fait, là, deux fois, on pourra encore continuer longtemps sur Yamamura. Il va falloir passer à cette nouvelle génération, oui, même s'il y a d'autres choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une coupure musicale et que, on va laisser tomber l'un des plus beaux albums de l'année dernière par l'une des plus belles voix de l'année dernière, tant pis, qui est Kate Bush, qui a sorti un nouvel album. Et là, la chanson dont je voulais vous faire écouter fait 8 minutes parce que malheureusement aucune chanson fait moins de 7 minutes sur cet album. Faut absolument le prendre, il vaut cher malheureusement. Enfin voilà, il s'appelle 50 mots pour la neige, 50 words for snow, et il y a une chanson qui est absolument magnifique, une chanson un peu à la Greenaway, pas, c'est comme ça avec la liste. Donc on va pas l'écouter. Bravo, ça c'est du. On l'écoutera inimitable. On l'écoutera le mois prochain avec des invités un peu moins intéressants. Waouh. Non, mais tu démolis nos invités comme ça. Pardon. N'importe quoi. Je savais que ça allait faire intéressant nos invités. Je savais que ça allait faire réagir Florentine. C'est qui les invités? Juste, on vous a cité un nom. Le Forum des Images est habitué à ces événements, mais c'est quand même incroyable. On avait l'année dernière Jean-Marc Meyer qui était venu. Cette année, le nom dont on a entendu parler, qui est sûrement l'un des grand nom, qu'est-ce que je dis, l'un des plus grands noms même de l'animation aujourd'hui, Yuri Nordstein, si ce n'est le plus grand, voilà, va venir à Paris pour rendre hommage, pour qu'on lui rende hommage et lui rendre hommage à l'un des grands monsieur dont on parle depuis maintenant, ça fait deux fois qu'on en parle et qu'on en a beaucoup parlé. Il y a une interview qui est passée que j'ai eu la chance de faire avec lui au Forum des Images, donc de Monsieur Kawamoto Kihachiro, et il va lui rendre hommage, et à la fois ça va être un week-end en mars. Si on a le temps d'en parler, moi je voudrais beaucoup vous inviter effectivement, essayer de vous allécher pour venir, parce qu'on va découvrir beaucoup de choses de beaucoup de facettes du travail de Kawamoto et certaines facettes aussi du travail de Nordstein qui sont, je pense, encore mal connues en France. Et alors, tu es invité, on va essayer de faire une émission en mars, donc juste un petit peu avant, sur Nordstein et sur la personnalité, sur l'image, et bien sûr on pourra parler de Monsieur Kawamoto, mais voilà, l'idée c'était de mettre un petit peu pourquoi là autour de ce micro on est en train de dire oh, Nordstein, le grand monsieur, vous connaissez pas forcément, même s'il a fait le conte des contes de récent dans le brouillard, qui sont des films absolument magnifiques. Ah, malheureusement, c'est une sorte de vache sacrée, hein, pour la production de cœur, c'est malheureusement il a pas fait des films qui ont duré plus d'une demi-heure, donc il est moins connu que certaines personnes, et il le mérite plus qu'amplement. Donc voilà, on reparlera de cet événement qui est vraiment un événement. On dit souvent ce terme-là, ce qui sert à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, tant pis Kate Bush, parce que je voulais dire, sinon on aurait pu écouter 4 premières minutes, mais ça se fait pas, non? Non, ça se fait pas. Ouais, sur une chanson de 8 minutes. La prochaine émission. Voilà, la prochaine émission. C'est toi qui me dis. Donc on va passer à l'autre morceau, qui doit faire 3 minutes et quelques, et qui est, allez, l'un des plus beaux albums de Stan, et aussi beaucoup plus, pas facile, mais super agréable, qui est Métronomie, et on écoute Corinne. Donc l'un des morceaux de cet album. Merci Nicolas. Pain in my heart. I think it's because Donc toujours Bulle de rêve, c'était Métronomie avec Corinne. Donc Bulle de rêve, toujours évidemment sur Radio Libertaire. Ou est-ce que ça pourrait être sur une autre hein, vous rêvez ou quoi? Non, c'est impossible. 2 heures d'animation, ça peut être que sur une chaîne qui est complètement libre. Et donc forcément ici, le studio 0143. 71 89 40. Et donc on a la chance encore de pouvoir plonger dans ce puits de science qu'est Ilan Nguyen. Il va vite. Quelqu'un nous a appelé pour nous dire qu'il va vite. Oui. C'est vrai qu'il va il vite. Il a tellement et puis, à dire. Voilà, il a beaucoup de choses à dire. Ça fait 3 fois qu'il vient à ce micro en moins d'un an. On va peut-être l'avoir une 4e fois pour Einstein. Il va devenir bientôt. Je vais vous plomber votre émission. Mais pas du tout. Au contraire. Moi, je pense même que Radio Libertad devrait lui laisser une émission par mois de 2 heures où il nous parlerait uniquement avec sa voix, une espèce de. Un soir comme ça où il aurait du temps et il pourrait parler plus doucement et nous dire tout ce qu'il a à dire. On en était donc à cette montagne de l'indépendance hein, qui est Yamamura Koji. Donc tu nous as dit un peu, il faut se précipiter pour acheter un DVD, un double DVD de l'ONF, c'est en plus tellement rare, pendant des années on ramait pour avoir des DVD et là vous avez Driessen, Schwitzgebel, McLaren. Coffret. Dans le même DVD. Les derniers films de Driessen, dernier film de Schwitzgebel, dernier film de cet auteur que t'aimes beaucoup avec Chouchou. Le Château de Sable. Ah, Cohenman. Oui. Cohenman, le dernier Cohenman qui n'a rien à voir, mais voilà, le dernier Yamamura Koji. Et le sublime Les Journaux de Lipset en plus de Théodore Ochef, c'est vraiment un DVD qu'il faut vous acheter absolument. Double c'est DVD. Animation Express. Oui, Animation Express. Il y a Sunday, je crois, de Patrick Delong, qui est très beau aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses dedans, donc précipitez pour vous l'acheter. Et le dernier, il y a un moment qu'on n'a pas eu la chance de voir à Annecy. Non. L'année dernière, malheureusement. Et non. Alors donc, que pour moi, je pense que c'est son plus grand film, effectivement. C'est tu peux nous en parler un tout petit peu avant de. Oui, alors. Yamamura donc a été révélé par Le Mon Chef, et puis ensuite il a réalisé un certain nombre de films qu'on connaît plus ou moins. Il y a Le Vieux Crocodile, et Kafka, etc. Mais ce film-ci, pour moi, c'est une sorte de somme. C'est-à-dire que je pense qu'on parlait tout à l'heure de franchissement de palier dans l'entrée dans une nouvelle période. Avec ce film-là, je pense que Yamamura, effectivement, entre dans un nouveau domaine de son travail. Le film s'appelle Les Cordes de Mouille Bridge, donc c'est une coproduction avec l'ONF. C'est une coposition donc pour laquelle l'ONF a proposé de réaliser ce film avec eux. C'est la première fois qu'un réalisateur japonais travaille avec l'ONF en animation. Et c'est coproduit du côté japonais par la NHK notamment. Et donc c'est un film d'une douzaine de minutes, 13 minutes, qui explore donc un certain nombre de possibilités du langage de l'animation et de conception autour de la notion du temps, le passage du temps, qu'est-ce que le temps, qu'est-ce que le cours du temps dans nos vies aux uns et aux autres, et qui prend pour vecteur ou pour support de cette méditation une figure qui est une des figures clés de l'histoire du pré-cinéma, c'est Edward Muybridge, donc le photographe donc qui est resté célèbre dans l'histoire de la photographie du cinéma pour ses vues successives donc qui reconstituent le mouvement donc des mouvements animaux et des mouvements humains. Donc la reconstitution du mouvement, donc la décomposition des différentes phases du mouvement, donc comme préalable à l'entrée donc dans l'âge du cinéma. Et donc on suit un petit peu un certain nombre d'aspects de la vie de ce personnage, donc de Muybridge. Et puis il y a une autre histoire qui est mêlée à celle-là, qui est une histoire contemporaine, l'histoire d'une mère et d'une fille dans le Japon d'aujourd'hui. Et donc c'est un film dont il est difficile de parler parce que c'est un film qu'il faut voir, qui est un film sans parole, qu'il faut voir et revoir parce que il joue sur différentes boucles. C'est vrai que quand on pose la question très très convenue de savoir qu'est-ce qui est le propre de l'homme, alors est-ce que c'est le rire, est-ce que c'est que sais-je, il y a tout un tas de réponses possibles. Moi, il me semble que l'un des propres de l'homme, c'est de pouvoir imaginer d'autres cours du temps que celui donc que l'on perçoit les uns les autres et qui est rythmé par des unités donc qui nous sont communes. On sait que en fonction effectivement donc dans le règne animal, il y a en fonction de la taille même des animaux, on a une perception du temps qui n'est pas la même et qui est liée effectivement à des questions d'échelle. Mais je pense que l'homme est le seul à avoir imaginé pour l'instant en tout cas ce qu'explorent certaines pièces de musique, par exemple justement les canons donc dans la musique classique, le fait et McLaren en a tiré aussi un très beau film, le fait d'explorer effectivement des superpositions, le fait d'inverser les choses, d'avoir un temps cyclique, la philosophie peut aussi être convoquée dans ce type de réflexion entre effectivement des temps circulaires comme dans le bouddhisme, etc. Bon, là en l'occurrence, Yamaura, à travers le langage du cinéma d'animation, propose quelque chose qui est comment dire, qui est une œuvre au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'elle nous propose quelque chose, elle nous propose un autre regard, une autre vision du monde, qui n'est pas du tout ni cynique, ni comment dirais-je, dans une forme de facilité, de posture un petit peu trop facilement, donc à la recherche d'un nihilisme, d'une vacuité ou l'exploration comme ça de la noirceur pour elle-même, mais qui nous propose quelque chose sans la moindre enjolivure. C'est très simple, très ça propose en commun à son spectateur une perception du temps qui à laquelle il n'aurait pas eu accès autrement. Moi, je l'ai vu qu'une fois. Est-ce qu'un nom comme Tarkovsky, bien sûr, par exemple, pourrait se relier, hein, avec bien ce sûr, film-là. Tout à fait. Mais aussi d'Einstein, effectivement, tous ces cinéastes, effectivement, de comment dire, de la sédimentation d'une certaine manière. C'est ça, hein, je pense, qui est en jeu. Effectivement, c'est le fait de jouer sur le vraiment des couches qui se répondent, qui correspondent les unes aux autres, et pour lequel effectivement ça n'a pas de sens de voir le film une fois et de se dire voilà, on a fini, on va voir autre chose. C'est aussi la posture dans laquelle s'inscrit quelqu'un comme Oshii dans la production commerciale, c'est-à-dire que ces films, il faut absolument les avoir vus en entier pour pouvoir ensuite, en les revoyant, saisir comment tel ou tel élément s'articule avec ce qui va venir après et qu'on connaît pas encore lors du premier visionnage. Et donc c'est pas par hasard que Nordstein est une figure je veux dire cardinal dans le panthéon de quelqu'un comme Yamamura, parce que enfin le conte des contes, il y a ça aussi, et il y a cette dimension universelle qui est universelle parce que elle ne passe pas par le langage, mais que on nous propose des correspondances visuelles, des dimensions presque, on pourrait dire. Effectivement, quand on naît dans cette dimension du conte des contes qui est celle de l'éternité, voilà, il y a des choses, il y a des archétypes qui nous parlent, le voyageur, le pêcheur, le taureau, enfin vraiment c'est Je parlais de Tarkovsky. D'abord, un, pour les gens qui nous écoutent, qui ne se connaissent pas forcément, ou même d'Angelopoulos, des gens comme ça, pour justement repartir sur aussi des gens qui font, soi-disant, de la prise de vue directe. Et est-ce que quelqu'un comme Yamamura, justement, même s'il est absolument dans l'image par image, va au-delà aussi de ça, finalement? Bien sûr, il est cinéphile, c'est, je veux dire, le cinéma d'animation, je pense, à mon avis, est indissociable du cinéma dans son rapport, à ses formes, hein, et que ce soit effectivement la production, donc, celle de Tarkovsky, celle de Tati, son film fétiche, c'est Playtime, c'est par Playtime, exemple. Oui, voilà, bon. Donc on voit bien qu'il est dans les films de Buñuel, enfin il y a vraiment quelque chose que le cinéma a permis et que lui vise à explorer aussi en animation. Donc il y a c'est sortir le cinéma de cette logique qui voudrait que ce soit d'abord un registre narratif. Et alors juste pour les gens qui ne connaissent pas, on va trop vite hein, sur tous ces passages, mais voyez quand même un film d'Oshii qui est sur Lamu ou Lusei, qui est très étonnant, oui. qui est 15 ans, enfin non, qui est 5 ans avant ce film, le ça Blanche. Y est, avec Bill Murray. Ah oui. Et en fait qui raconte la scène, et ils arrivent tous les matins et en fait ils se rendent compte qu'ils sont pris dans une boucle. Oui. Temporel et oui. Qui est pourtant un film quand on commence en regardant en disant moi je connaissais pas Lamu tellement bien et on se dit oh c'est un film très commercial, voilà, comme tu disais tout à l'heure, oui. Et de se rendre compte à quel point ça joue sur toute une réflexion qui est quand même très forte à l'intérieur, oui. De ce film oui. C'est Beautiful Dreamer, c'est le deuxième long métrage. Dreamer, voilà, tout à fait, oui, ouais. mais Oshii a eu aussi de quoi se nourrir, il se réclame effectivement du cinéma d'auteur polonais, etc., d'un certain nombre de grandes figures comme ça. Bon, je suis pas sûr que ce soit lui qui a eu le premier l'idée de ce type de motif. Ouais. Non, c'était juste, ce qui est intéressant, c'est de voir que des années avant, justement, oui. Ce film culte, hein, dont j'ai oublié le nom, avec Bill Murray, où il se réveille le jour de la marmotte, voilà, où ça. Il se réveille tous les jours, c'était drôle. Et bien sûr, ça a été sûrement fait avant, mais c'est drôle de voir ça dans une production, comme tu disais toi-même, qui est une production, a priori, très commerciale, et de voir ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des écoles? Parce qu'on parle, je sais que Yamamura est professeur au moins dans une école, puisqu'on va parler de la nouvelle génération. Comment ça se passe le passage de témoin? Alors, je me souviens il y a 5 ans quand on avait invité Monsieur Katayama, donc Masahiro dont on a parlé l'an dernier, à venir au Carrefour de l'animation. Donc ce Carrefour franco-japonais en 2006, c'était à la Cité des Sciences. J'avais fait une espèce de petite présentation en 5 étapes sur l'histoire de la formation au cinéma d'animation, donc au Japon. Et c'est vrai que la dernière étape, c'est l'apparition des écoles, des départements dédiés. Et ça, il y a des gens qui se sont formés à l'animation donc dans un cadre universitaire, comme Yann Mamoura l'a fait, mais de manière finalement autonome. C'est-à-dire que certains ont pu faire des films d'animation en tant que travaux de fin d'études dans des sections qui étaient des sections de peinture, des sections donc de design, de graphisme, mais qui n'étaient pas des sections dédiées avec un enseignement donc centré sur l'animation. Il pouvait y avoir hein, comme ça un prof qui faisait une UV optionnelle sur l'animation, l'histoire éventuellement. Et donc il y a un tournant à mes yeux, c'est vraiment le travail dont on avait parlé l'an dernier, donc de Monsieur Katama, donc Katama Sachiro, à partir de 98, donc à l'université l'université des Beaux-Arts de Tama Bide. Et après ça, donc à partir de 98, donc il y en a d'autres hein, qui ont enseigné. Bien sûr, c'est pas le seul, mais il y a une sorte de maturation qui amène effectivement au début des années 2000. Certaines facs, c'est des facs privées, donc en particulier l'université polytechnique de Tokyo, c'est-à-dire Tokyo Kore Dagaku, donc en 2003 lance un département dédié à l'animation. Et donc c'est-à-dire c'est un cycle qui va donc à la sortie du bac, un programme en 4 ans. Donc c'est un undergraduate comme on dira dans le domaine en anglo-saxon, donc la première à quatrième année où les étudiants qui arrivent font de l'animation et c'est vraiment leur cursus principal. Ils ont démarré en 2003. Moi, je me souviens, c'est l'année où je suis reparti au Japon et j'étais inscrit chez eux, donc en tant qu'étudiant chercheur. Et c'était quelque chose qui a fait pas mal de bruit. Et surtout, c'est quelque chose qui était absolument inconcevable parce que c'est absolument énorme. Ils recrutaient 120 étudiants en première année. Donc, c'était une sorte de, faisait sortir de terre comme ce ça. Ce qui est énorme, juste pour dire, énorme. Les gobelins, par exemple, c'est une vingtaine d'élèves, oui. Trentaine d'élèves. Non, enfin, mais voilà. Non seulement ça, mais sur 4 ans. C'est-à-dire que la première année, ils avaient 120 étudiants, mais la deuxième année, ils avaient le double. La troisième, ils avaient le triple, etc. Et donc, chaque nouvelle année sur les 4 premières de leur histoire a consisté à forger le cursus des deuxième années. Qu'est-ce qu'on fait faire aux deuxième années qui viennent de finir la première, etc. Et donc, ils ont un effectif en continu maintenant de presque 500 personnes. C'est 480 Gugus. Voilà. Oui, c'est donc, c'est, il y a absolument pas d'équivalence en France comme ça. Bon, c'est une fac privée. Il y a différents ressorts à ça qui sont liés à la démographie, à la dénatalité, au fait qu'il faut réussir à avoir des départements attrayants, etc. C'est pas forcément lié à une première priorité qui serait de former vraiment des gens qui pourraient tous intégrer la profession. Comme au Japon, c'est très traditionnel. On fait des départements sur la littérature tchèque ou la philosophie française. Les étudiants qui font 4 ans là-dessus, après, ils partent bocher chez Sony ou chez où on voudra. Et les boîtes les forment, en fait. Donc, qu'ils apprennent le droit, l'économie ou telle littérature étrangère. Finalement, c'est assez, depuis très longtemps déjà, hein, c'est depuis des décennies. C'est pas un problème, c'est-à-dire que après il faut qu'ils aient des résultats, il faut qu'ils aient un profil qui fera que la boîte les prendra. Et de toute façon, ils seront formés ensuite en interne. Donc l'université n'a pas à former tellement le versant des compétences. Bon, là en l'occurrence c'est le cas quand même parce qu'ils travaillent sur des films de manière collective ou individuelle. L'autre grande date pour l'équivalent donc dans le Japon de l'Ouest, c'est l'université Seika de Kyoto en 2006. Eux ont lancé aussi un département dédié à l'animation. Ils ont dit à ce moment-là, ils ont fait évidemment. Ils ont battu le tambour, ils ont dit voilà, on a créé le premier département d'animation, en faisant passer la trappe le précédent donc à Tokyo. Bon, c'est comme ça que ça se passe entre ces deux villes là. Bon, et eux ils ont été plus raisonnables, ils ont une soixantaine d'étudiants par année. Donc bon ben vous voyez que il y a beaucoup de formations maintenant qui sont de plus en plus dédiées donc il y a une population. Depuis la décennie des années 2000 a été celle d'une explosion des formations en animation au Japon. Vous avez des centaines d'étudiants qui sortent maintenant chaque année, il faut le dire, puisque c'est une réalité, qui ont été formés en animation. Alors tous ne vont pas travailler directement dans la profession. Il y en a qui avaient déjà des inclinations avant, qui dessinaient déjà avant, qui ont une idée de carrière, qui savent ce qu'ils veulent faire, etc. Ils ont un studio qu'ils veulent intégrer, s'ils ont une technique qui leur tient à cœur et pour laquelle ils ont ils savent ce qu'ils veulent. Et puis il y en a d'autres qui vont partir sur autre chose. Bon. Et puis il y a eu ensuite en 2008 cette création donc du master. Donc à l'université des arts de Tokyo, donc qui est une université pour la première fois nationale, université donc d'État, et ça c'est une autre étape encore en plus par rapport effectivement donc à ces universités privées qui sont bien sûr c'est du business, c'est-à-dire c'est des écoles qui se financent par les frais d'inscription. Là on est dans un contexte où vraiment l'État c'est la première et la plus importante, la plus huppée des universités d'art de beaux arts au Japon, c'est-à-dire c'est vraiment il y a un statut assez bizarroïde du coup, il y a un effet comme ça presque effectivement stalinien du coup. Là on est dans des trucs c'est une sorte de marque quoi, de marque de fabrique cette fac là. Bon voilà, quand on sort de là on est déjà sur une espèce de boulevard pour sa vie professionnelle après, tant mieux pour eux. Il y a combien d'élèves là? Il y a, c'est un programme en deux ans et il y a 16 étudiants par niveau. Donc il y a 16 étudiants en première année, 16 en deuxième, donc il y a une trentaine d'étudiants. Donc on est vraiment là dans le quantitatif, enfin dans le qualitatif, pardon, on essaye vraiment de faire attention. Voilà, l'idée c'est d'avoir, comme il y a quatre enseignants principaux, c'est on est dans la logique du séminaire, il y a chaque prof suit en moyenne 4 étudiants. Donc à un rythme hebdomadaire, il y a des séminaires toutes les semaines et on les suit. Voilà. Et il y a une formation à tronc commun évidemment parce que il y a des gens qui viennent qui n'ont pas forcément d'expérience dans l'animation avant, qui peuvent quand même intégrer sur les examens écrits, sur les entretiens et sur leurs travaux précédents. C'est quand même ouvert un petit peu aussi. En France, on a un peu cette c'est un peu facile, mais les frontières en disant bon, alors Gobelin c'est plutôt l'animation, on va avoir la Poudrière qui est plutôt dans la réalisation, la MK qui va faire un peu les deux, auteurs, animation, etc. Ouais, ouais. Est-ce qu'au Japon il y a ça ou est-ce que non, ils sont quelle est la forme du cursus, même si évidemment peut-être on différence tous. Dans la carte un peu plus complexe peut-être, mais qu'on peut toujours refaire cette espèce de clivage central entre effectivement et qui à mon sens dans le domaine de la formation à l'animation prend un tour qui ne peut pas contourner une considération de savoir est-ce que les étudiants pour leur travail de fin d'études notamment font un film tout seul ou en groupe. Et ça, c'est pour moi, c'est une différence foncière, effectivement, dans ce qu'on leur demande. Alors après, il y a des écoles pour lesquelles les étudiants font leur film de fin d'études tout seuls, mais font des travaux communs en cours de route, et vice versa, bien sûr. Bon, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose, je pense, qui signe des orientations foncièrement différentes, voire opposées. Quelqu'un qui signe tout seul son film, comme c'est le cas, je sais pas, à l'école Émile Cole au hasard, ou à la Poudrière effectivement, ou à l'ENSAD, et des écoles comme Superfocom ou les Gobelins, où les travaux de fin d'études sont signés de manière collective, on peut pas le juger de la même manière. C'est pas. On va pas rentrer parce que je trouve que c'est plus intéressant que c'est toi qui parles que moi, donc. Mais c'est un peu plus complexe. Par exemple pour Superfocom où quand même l'un des sujets vient d'un des élèves qui a été choisi ensuite et que les autres élèves travaillent sur son jeu, que par exemple les Gobelins où ils sont obligés, ils essayent en tout cas de travailler. Donc il y a aussi des petites différences à l'intérieur de ça. Oui, mais voilà. Mais donc éventuellement dans le chaque groupe, il y en a peut-être un effectivement, c'est celui qui a amené le projet qui a un rapport privilégié au film. Mais pour les autres, comment est-ce qu'on prend en compte cet objet-là en tant que tel? Il est né d'un travail collectif malgré tout. Des fois, ça fonctionne. Sauf que par rapport, encore une fois. Au japonais, j'ai eu la chance de regarder avec toi justement, enfin grâce à toi le DVD. Oui. Ils travaillent pas tout seuls non plus, ils sont aidés par des camarades qui travaillent des fois l'animation avec eux. Ça arrive qu'ils puissent demander. Ils ont la possibilité de demander une aide parce qu'ils ont souvent les yeux plus gros que le ventre, ils vont parler des questions de longueur, effectivement des films qui font 10-15 minutes. C'est une possibilité qu'ils ont, mais qu'ils doivent prendre en charge aussi. C'est-à-dire que on leur apprend à gérer ça. Si tu veux. Il y a encore un aspect qui me semble décisif et sur lequel on a tendance un petit peu souvent à passer outre ou à le laisser par perte de profit quand on parle d'animation d'auteur ou d'animation indépendante. Qu'est-ce qu'on veut dire? À mon sens, ce qui est important, c'est de désigner par ces termes-là des gens qui sont capables de s'autoproduire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont la volonté de faire des films, une volonté suffisante pour réunir les conditions qui vont rendre possible la production du film, que ce soit autofinancé, que ce soit en trouvant des partenaires. Et donc, pour moi, un auteur d'animation, il est aussi producteur. Il est son propre producteur d'une certaine manière, en un sens. Et c'est ça, c'est un modèle que l'animation indépendante au Japon a réussi à mettre en place à un certain degré. Et c'est le cas très, très nettement pour Yamamura. Et donc, dans la formation à l'Université des Arts de Tokyo, j'en parle parce que donc je sais en gros de quoi il s'agit. On oblige les étudiants à réaliser effectivement donc non seulement un planning, bon ça c'est en général c'est des vœux pieux, mais aussi un budget. Et donc ils ont un budget, ils doivent apprendre à gérer le budget. D'accord. Et donc ils ont un peu de sous effectivement pour le travail du son, pour ceci, pour cela. Et ben ils ont la possibilité effectivement de réserver une somme pour faire appel à de l'aide. Mais c'est à eux de le gérer. C'est eux qui font appel aussi. Parce que par exemple à la Poudrière, on leur dit, vous nous dites et nous on contacte. C'est-à-dire, la Poudrière joue plutôt le rôle là de producteur. Ouais. Là c'est l'étudiant qui contacte lui-même, par exemple le musicien. Alors pour les musiciens c'est encore autre chose. Pour les musiciens on a cette chance, comme cette école à Londres, la National School of Film and Television, qui a une section musique. D'accord. L'université Gaeda et l'université des Arts de Tokyo, en fait, est née de la fusion de l'école des Beaux-Arts et l'école de musique. Et donc il y a une section de musique qui est très importante. Et donc il y a des étudiants qui sont là dans la création musicale, dans la position, et on a commencé à les faire travailler ensemble, donc ce qui est aussi une manière d'apprendre à travailler avec les musiciens. Donc les étudiants de notre section qui travaillent, qui ont un certain nombre d'exposés à faire en cours de travail pour lesquels ils sont recadrés, où on leur dit tout ce qui va pas, etc., ont aussi à un moment donné, très tôt, à faire des présentations effectivement en direction des étudiants de la section musique. On va à la section musique, on présente les projets un par un. Les étudiants qui sont intéressés le font savoir, ils marquent les projets qui les intéressent et on essaie de créer des couples. D'accord. Mais où les gens se choisissent effectivement en connaissance de cause pour collaborer ensemble pour des questions d'affinité et on essaie de leur apprendre à travailler ensemble. Donc ils sont confrontés d'emblée aux problèmes auxquels ils vont être confrontés par la suite, simplement sans le filet du fait de se dire qu'on est dans une école, mais on les place d'emblée dans les conditions réelles. Et c'est le cas pour l'ensemble du travail, c'est-à-dire que pour tout ce qui relève de jusqu'au mixage, le retravail des couleurs, toutes les étapes, on les assiste, mais c'est à eux effectivement de franchir l'étape, d'être en mesure de le faire, d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu difficile pour les étudiants, parce que dans les facs privées en particulier, on a tendance effectivement beaucoup à prendre les gens par la main, parce que c'est aussi un business effectivement de clientèle. Il faut que les clients soient contents, sinon ils s'en vont. Et donc là on a cette latitude de se dire que non. Ils sortent de l'école de ce master, après ils sont livrés vraiment à eux-mêmes, c'est à eux ensuite de tracer leur chemin, et donc c'est un bagage qui a, enfin voilà quoi, on va voir, pour l'instant les premières promotions n'ont pas encore tracé de ligne très très claire, mais ça va venir quoi. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes. J'aimerais qu'on parle déjà de quelques noms. Oui. J'aimerais qu'on parle ensuite peut-être de diffusion. Et si tu as envie, évidemment, de rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit, je suis persuadé qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire. Voilà, tu auras 2-3 minutes à la fin ou 4-5 minutes. On va essayer de faire tout ça en 20 minutes, ce qui va être okay. Impossible, mais on va tenter. Okay. Depuis 4-5 ans, on a l'impression que dans les festivals d'animation, mm-hmm. il y a plus de gens. On a des noms comme Mireille Mizoué, qui est venu par, on va dire que le premier qui était Kunio Kato, peut-être, mm-hmm. la maison un petit cube, oui. Et ensuite on a Mireille Mizoué, on a on l'a dit, alors Morimoto Koji est peut-être un peu différent, et c'est peut-être c'est un peu à part Koji Morimoto. Ah bah oui, ça, oui, j'essaye de prononcer un petit peu à la française. Non, ça n'a rien à voir, française, non, mais, ça n'a surtout rien à voir, c'est-à-dire que Morimoto n'est pas du tout la même génération. Morimoto, il est dans l'émission commerciale, il a fait ses débuts à la fin des 70, c'est ça, donc il est déjà c'est un vétéran parmi les vétérans, je veux dire, il est sur la fin de sa carrière hein, déjà. C'est, d'accord, il est même plus âgé que Koji Yamamura, et il est oui. plus, d'accord, oui, clairement, oui. Il était, que je dis pas de bêtises, mais oui, oui, tout bon. À fait. Et je crois qu'il est né en 59, je sais plus. Alors moi, je connais pas. Alors, voir le site, je sais que Marc Agues Katsuka a fait un site oui, sur Morimoto où on pourra dédier, on pourra voir plein de choses, donc on mettra le lien. C'est un tout à fait extraordinaire. Hein, ah, voilà, Moody Motion Mom est l'un de mes films préférés, c'est pour ça qu'il était dans Genius Party Beyond, donc je voulais citer le nom au moins alors. D'accord, bien sûr. C'est pour dire que ces problèmes de frontières entre indépendance ou exploration formelle ou, qu'est-ce qu'on pourrait dire, alternatif. Moi, le terme d'indépendant, justement, me titille toujours, parce que indépendant par rapport à quoi? Il y a ceux qui dépendent de quelque chose, et puis nous, on est indépendant, mais indépendant de quoi? C'est le truc, l'étiquette en elle-même est, je pense, biaisée à la base. Il y a un truc qui mériterait d'être clarifié, parce qu'on n'est jamais totalement dépendant de tout, quoi, non plus. Faut pas rêver. On dépend les uns des autres de différentes choses, bon, de différents contextes de production, même quand on travaille tout seul. Après tout, on est, on n'est pas sur son île. Et puis, la plupart des indépendants en France ont le CNC. Bon, voilà. Qui est loin d'être de l'indépendance. Voilà. Alors que bon, là-bas, il n'y a rien de tel, mais bon. Il y a différents noms qui seront, mais moi, plutôt que, bon, Kato Kunio, c'est une chose. C'est un des disciples de Katayama, c'est le cas aussi de Mizu Mirai. Chacun de ces profils, à mon sens, effectivement, Kato a été remarqué assez vite. Il avait fait son film, c'était The Apple Incident, qui avait été projeté à Zagreb déjà en 2001, je pense. Ensuite, il a fait cette série courte, donc le journal d'un voyageur. Il y avait 6 épisodes et puis un 7e qu'il a fait par la suite. Et puis donc il y a eu la Maison Petit Cube. C'est un auteur qui est comment dire, pour lequel moi j'ai un peu une affection particulière, dans la mesure où il n'est pas dans cet antagonisme un peu simpliste qu'on veut nous vendre trop souvent entre les puristes et puis les marchands du temple, quoi. Et pour moi, c'est important de se dire que l'animation, domaine tellement marginal, tellement minoré, tellement ghettoisé, etc., par ailleurs, mérite de conserver une unité de ton, une unité de propos, qui consiste à dire qu'on peut s'adresser à n'importe qui. Or, c'est l'un des problèmes aussi des productions dites d'auteurs ou des gens qui font des films beaucoup dans leur propre bulle, c'est qu'on ne sait pas finalement à qui ils s'adressent. Ils font des films qui peuvent être intéressants ou qui peuvent avoir une qualité plastique ou esthétique ou formelle ou ce qu'on voudra, ou foncière, mais qui font d'abord pour eux-mêmes d'une certaine manière. Donc en boucle fermée et puis pour leur propre satisfaction. Moi j'éprouve un petit peu ça avec les films de Mise de Mirai pour je suis un peu encore une fois j'essaye de pas trop parler parce que c'est d'accord. Mais je suis un peu moins d'accord avec toi parce que je pense qu'il faut aussi ça, je pense qu'il faut oui, un équilibre. Tout à fait. Je pense et il faut un équilibre beaucoup, par, hein. Il faut un équilibre par exemple, est-ce que ça a un sens de faire des films qui sont de faire que de l'animation abstraite, que de l'animation non narrative? Moi je crois pas. C'est-à-dire oui. Qu'à un moment donné, c'est ça tombe après un certain nombre de films, après une certaine dizaine avoir, de films, je crains que ça tombe dans une forme de fatalité, quoi. C'est à réfléchir. C'est quelque chose d'intéressant. Kunio Kato sera en tout cas en mars. Je oui, crois, au salon à Paris, du livre. Au salon du livre. Tout à fait. On essaiera de vous proposer peut-être une interview même du. Il va falloir s'accrocher. Du réalisateur. D'accord. Oui. Pourquoi? Ah ben non. Enfin bon. C'est l'éditeur qui me l'a proposé. Ah c'est super. Bah oui. Il faut. Donc je sais pas si c'est toi qui sera. Il faut le faire. Ah je sais pas non plus. Je sais pas. Mais bon en tout cas. Ça... Mais il y aura du beau monde hein, au salon du livre. Ils font venir Oe Kanzaburo. C'est quand voilà, même pas oui, rien. Oui. Mais je pense que par rapport à une. Oui, l'animation. L'animation, on va plutôt me proposer quelqu'un comme Kunio Kato. Dommage. Mais bien sûr, sinon ce serait absolument passionnant. Le Japon est invité. Donc Kato, donc voilà, oui. C'est, voilà. Kato, donc à cette dimension qui, il faut espérer qu'il arrive à faire. Il est en train de travailler à un projet donc qui prend forme petit à petit. C'est encore un petit peu délicat. Bon, après, il y a effectivement des activistes. Donc parce que juste après la maison d'un petit cube, il y a rien eu de. Il a rien réalisé, non. Il a réalisé quelques petites pubs, je crois, mais c'est pas grand chose. Non, il est dans une sorte de. Je pense qu'il est dans un creux de la vague qui est classique après. Ce genre de consécration, savoir qu'est-ce qu'on fait après. C'est pour ça qu'il faut qu'il avance vite, je pense, maintenant. Bon, c'est des gens comme Yamamura et lui qui peuvent, à un moment donné, dans le cadre du Japon, penser à long métrage ou pas du tout. D'abord, il y a une différence foncière entre les deux. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les noms qu'on va citer aujourd'hui, là, dont on va parler maintenant, qui sont ceux qui sont apparus dans les années 2000, ont clairement pour un unique horizon, quand ils se prétendent animateurs indépendants, c'est Yamamura. C'est une sorte de référence absolument. C'est vraiment étonnant de voir à quel point quelqu'un comme Mizue, tous, parce que Yamamura a mangé de la vache enragée, mais pendant une décennie au moins, pour réussir effectivement. Il a une idée très claire de ce qu'il veut faire. Donc quand il fait un film, c'est un film qu'il fait pour le cinéma. Il fait en sorte que le film puisse sortir en salle, même si c'est sur une période très courte dans une petite salle, avec un programme en réunissant d'autres films qu'il a choisi, qu'il a sélectionné. Il trouve une sauce, une manière de faire pour que les films soient vus en salle. Et ça. C'est un tour de force, bon, qui est plus difficile, je pense, encore au Japon qu'en France aujourd'hui, parce qu'on n'a pas tous ces systèmes d'aide. Effectivement, que les petites salles alternatives, elles se font dévorer beaucoup plus là-bas qu'ici, par les multiplex et les autres, les majors. Mais la plupart de ces films, le Mon Chef, ça a été le cas, et tous les films depuis sont systématiquement sortis en salle. Et donc ça, c'est un modèle de succès qu'il est facile de s'ériger en comme ça en horizon, sans se rendre compte de la difficulté du travail qu'il y a derrière. Je veux dire, et en ce sens, vraiment, lui, il y a une raison très claire pour laquelle lui il veut faire ça. C'est qu'effectivement, pour lui, ses films doivent être vus en salle, ils doivent être vus en festival, mais il s'agit de sortir de la dictature du DVD, de dire voilà, vous allez acheter ma galette, ou éventuellement, quand par charité, quand qu'il y aura une émission spéciale à 3h du matin, on montrera un sujet spécial ou quoi. Non, c'est sa responsabilité en tant qu'auteur que de faire en sorte que les films soient vus. Et donc, c'est en ça aussi qu'il est producteur. C'est-à-dire qu'il s'autoproduit. Il fait en sorte que il est auto-entrepreneur, je sais pas ce qu'on voudra dire comme étiquette, c'est comme quel gros mot on pourra coller là-dessus, mais il fait le nécessaire pour que à son échelle son travail puisse être connu. Et donc ça alors après l'autre génération, la génération suivante, effectivement, c'est les Mizue effectivement ou Oyama ou Wada etc. qui ont monté leur petit label et qui essaient de monter une sauce de projection. Ils s'inspirent beaucoup de ça, mais je pense sans la même responsabilité, de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus ludique et irresponsable aux autres mots. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est le problème des auteurs de cette génération-là, je pense que ils sont pas portés par la même nécessité. Ils sont chacun dans leur trip créatif, c'est très bien. Ils ont une soif d'une reconnaissance qu'ils n'ont pas encore, et du coup, ils font beaucoup beaucoup de choses en vue de cette reconnaissance. Donc le label qu'ils ont lancé, par exemple, c'est une très bonne chose, mais le problème c'est que maintenant il faut sortir aussi d'autres choses que ses propres films. Et donc il y a plein de choses qui mettraient à sortir. On parlait de Aihara Nobushiro le l'an dernier, c'est-à-dire le mois dernier, mais les films d'Aihara, il y en a deux, trois peut-être qui sont disponibles en DVD en circulation commerciale, trois courts-métrages, hein, attention, et encore. Je disais que ce qui change aussi, c'est que maintenant il y a Internet et pour le coup, oui, la diffusion peut paraître plus facile. Mais c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que ouais, si on est prêt à diffuser ces films de manière gratuite, oui, effectivement, il y a pas de problème. Donc Mizue, il est très entreprenant là-dessus. C'est donc ça. Il a son site, il a ses projets, ses différentes expérimentations qui sont proches de l'Oulipo d'une certaine manière. C'est-à-dire voilà, je vais animer tous les jours 5 secondes et tous les jours vous verrez sur mon site 5 secondes que je vais faire pendant toute l'année. Donc on verra ça, c'est une sorte de projet comme ça à construction quotidienne. Pourquoi pas, c'est très bien, ça c'est il met tous ses matchs dans ses films, mais bon voilà, alors ce qu'il dit tout quand on regarde son site, c'est voilà, il se présente lui-même, voilà, la troisième personne, Mizue, donc un des auteurs représentatifs de la jeune génération japonaise. Ben non, je suis désolé, ça peut pas marcher comme ça. Alors, c'est intéressant. là, tu vas un petit, presque, je sais ton. Attention, il reste que 10 minutes. Ça peut aller loin. Non, on va pas rentrer dans. Alors après, donc dans la jeune génération, si on veut parler de la génération, donc Oyama Kei, pardon, que tu connais bien. Alors voilà, oui. Donc elle fait Ensoap notamment. Voilà. Qui est un film. Qui en a fait d'autres. Incroyable. Oui. C'est pareil, lui. Donc c'est un génie, tout à fait. C'est un petit génie, c'est tout à fait clair. Lui, c'est pareil. Pour lui, Yamamura, c'est une référence. Il est issu de la même université. Il est allé le voir au moment où il travaille sur Ensoap pour lui demander conseil avec son storyboard. Il a fait partie du groupe, donc, monté par Yamamura en 2006, effectivement, sur, avec des créateurs et des critiques pour essayer de nourrir une réflexion pour l'animation donc d'auteur. Il a fait beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais d'une certaine manière il cède à la facilité, c'est-à-dire qu'il est on attend son prochain film depuis assez longtemps quand même, parce que Hanzo c'est 2008, bon, ça fait 4 ans, enfin 3, on va dire 3 ans et quelques, et on le sent pas porté par cette même nécessité. Donc ce qui te gêne toi pour l'instant dans cette nouvelle génération qui amène créativement, artistiquement, graphiquement, au niveau de la réalisation des choses assez quand même incroyables, oui, oui, complètement différents. Ouais, ouais. C'est l'une des forces, moi je trouve, pour tout à fait. Cet archipel, on peut en être parfaitement d'accord. Voilà, tout à fait. Même genre. Ce qui te gêne, c'est le manque de vision, finalement. Bah, peut-être une certaine superficialité, je dirais. Alors c'est le mot est vite lancé, mais après effectivement, ce sont des jeunes réalisateurs. Il y en a pas un qui a 40 ans encore, peut-être Murata Tomoyasu, mais bon. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, d'une certaine manière, moi je sens aussi une différence par rapport à cet esprit qu'on évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire la deuxième génération, Yamamura, les années 80, c'est l'esprit, l'animation d'auteur. C'est-à-dire prendre un idéal, s'en emparer, le faire sien, et s'il l'incarne aujourd'hui de manière si évidente pour nous, c'est que il a fait un bout du chemin, qui est plus de la moitié du chemin, pour entrer dans cette logique-là. Et cette logique-là, c'est une logique qui vise, je suis désolé d'utiliser grand mot, mais une forme d'universalisme. C'est-à-dire qu'on s'adresse au monde entier, on fait des films qui peuvent être vus dans le monde entier, qui s'adressent à n'importe qui, et les films de Yamamura peuvent être vus par tout le monde, et tout le monde peut en tirer quelque chose. Et le problème Est-ce qu'il est fait, tu le connais bien, est-ce qu'il est fait dans cette vision-là? Non, il ne s'agit pas de dire que c'est pas un objectif à se donner à soi. C'est ça, c'est pas possible. Non, mais c'est la conséquence d'une exigence qu'on a vis-à-vis de soi. Donc on est et d'accord. Cette exigence-là, je la sens beaucoup moins chez ces jeunes, parce que ils arrivent, ils ont presque tout d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu à manger la vache enragée que lui a eu à moi, et que les auteurs de la génération précédente aussi. Ils n'ont pas eu à conquérir tout ce que les générations précédentes ont conquérir. Donc ils sont sortis des écoles. En France aussi. Oui. Est-ce que c'est pas la base même aujourd'hui d'une nouvelle génération qui se bat quand même, bien évidemment, mais qui ne se bat plus même par rapport à une reconnaissance de leur... Non, parce que ce qui est en jeu, je veux dire, il y a une dimension ludique aussi qui est très, très marquée, et il y a une sorte d'inconséquence dans la manière d'assumer leur posture, leur position d'auteur. C'est pas le cas de tout le monde de la même manière, hein, mais c'est vraiment un mouvement que je sens de manière assez nette dans la jeune génération aujourd'hui. Alors, celui qui en est le moins marqué, c'est Wada, je pense. Et c'est, à mon sens, aussi le plus intéressant de cette génération. Wada Tsuchi, c'est vraiment... Alors, lui, il a un travail... Parce que lui est autodidacte. In a Pig's Eye, pour citer quand même quelques noms, qui est quand même un film absolument incroyable de ces dernières années. Il y a ça, il y a donc le The Day of Noz, qui avait le Grand Prix dans un festival en Angleterre. Il y a ce film qu'il a réalisé depuis, qui s'appelle Haru no Shikumi, donc le mécanisme du printemps. Du printemps, oui, qui est un superbe film qui a été présenté à Venise, je pense que c'était il y a 2 ans. Et il est actuellement donc en Angleterre chez Jane Peeling, avec un programme donc de séjour de subvention donc du ministère de l'équivalent du ministère de la culture japonais. Pour moi, dans ce groupe, c'est celui qui est le plus intéressant parce que justement, il continue à produire de manière régulière, il se nourrit d'un certain nombre de choses et il a son univers qui n'appartient qu'à lui. Donc c'est le cas de Oyama, c'est le cas de la plupart des autres, mais lui, il est porté par une nécessité effectivement qui est de dire voilà, je m'exprime à travers les films. Et donc il est cohérent avec lui-même. Et je pense qu'on peut lui faire confiance pour continuer effectivement à avancer Et à proposer des choses. Alors que les autres, on a l'impression qu'il faut quand même les cravacher ça, un petit peu. Ça, c'est Calf. On a compris que Calf, c'est le système, ça, un peu dur. C'est dommage. On aurait pu en reparler plus, c'est intéressant. Des gens comme Kondo Akino, par exemple, oui. Elle, c'est différent. C'est elle est partie dans une autre direction. C'est-à-dire qu'elle vient aussi, donc, de la section de design graphique de l'Université des Beaux-Arts de Tama, donc, de Tamagra. Elle a été formée par Katayama. Elle a un style graphique d'emblée. Donc, elle a produit des bandes dessinées, des illustrations, un travail qui a été édité en France, d'ailleurs, aussi, qui a été traduit un peu. Elle vit à New York, donc maintenant elle travaille avec des galeries, etc. Elle vend des dessins, c'est très bien. Et puis elle a réalisé un nouveau film que j'ai pas vu encore, mais qui est un travail de longue haleine. Comme elle a ce trait extrêmement fin, très précis, avec ses personnages féminins, comme ça, complètement inscrits dans l'enfance. À animer, c'est très compliqué. Ça peut être vite. Ses films de fin d'études étaient, ses travaux de fin d'études étaient dans une animation très limitée. Là, apparemment, elle explore une veine qui est mieux animée, de manière plus attentive au mouvement. Et donc, on va voir ce que donne ce film. Mais donc, elle, son travail aujourd'hui s'inscrit vraiment dans le domaine de l'art contemporain. Voilà. D'accord. Avec des films d'animation, c'est le cas aussi de manière, je trouve, assez dommageable. On en a pas parlé dans cette génération des années 60. C'est Furuka Otaku. Le disciple de Kuli, qui est aujourd'hui le président de la GIA, donc qui a pris la succession donc de Kawamoto. J'avais amené des trucs, mais je sais pas. Oui, voilà. Il y a un DVD qui est sorti donc chez Anido, c'est exactement le film, avec la plupart de ses films jusqu'aux années 90. Alors lui a fait plein de choses dans les années 70, notamment il a explosé après Kuli. Ça c'est vraiment très très bien. Et puis comme illustrateur, il a commencé à travailler comme illustrateur pour des livres illustrés des livres jeunesse, de l'illustration au sens travail unitaire pour des revues en tout genre. Et donc il fait des petits films d'animation. Maintenant il y a un deuxième volume qui est sorti l'an dernier de ses films. Ouais. Et il y en a alors même que ça couvre au moins autant une période au moins aussi longue, il y en a je pense moins. Et c'est moins intéressant parce que finalement l'animation est devenue un petit peu un à côté. Il s'amuse avec, il joue avec sa Wii à faire des petites animations très pixelisées. C'est très bien. Dis pas ça à Florentine parce qu'elle fait la même chose. Non mais c'est très bien. Il joue là-dessus. Mais c'est des films qu'il publie en tant que tel. C'est-à-dire que c'est sa production d'auteur en animation. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi de toute façon un peu comme en France, la plupart des auteurs d'animation au Japon font à la fois du manga, l'illustration, l'animation. Il y a d'autres genres. Donc il y a Pika Pika. Donc ça c'est ce collectif qui avec qui travaille notamment sur la lumière exactement sur l'exposition. Et donc là il y a des choses intéressantes, mais c'est pareil, je pense qu'il va falloir qu'ils en sortent à un moment donné. Il commence à devenir plus narratif, c'est intéressant. Il commence à raconter des histoires, il change. C'est bien. Ouais. De la même manière que Mizue a fait aussi une commande effectivement d'un festival coréen qui s'appelait Modern, je pense, qui était autre chose. Exact. Voilà. Alors c'est quoi les noms importants pour Ilan Nguyen aujourd'hui en animation japonaise dans la nouvelle génération, vraiment qu'il faut absolument. Bon, donc pour ceux qui ont déjà vu tous les films de Yamura, qui connaissent Yamura sur le bout des doigts, il y a un réalisateur qui est pas mal, c'est Murata Tomoyasu, qui fait l'animation de marionnettes. Il a une pentalogie en cours sur les chemins. Donc il a fait le chemin rouge, le chemin blanc, chemin bleu, il est en train de travailler sur le chemin jaune et il en a un dernier. C'est censé former aussi une histoire globale. Ça c'est une chose. Il y a Hosokawa, dont j'attends moi beaucoup, de son prochain film qui avait fait Oni. Oui, voilà, sûr, qui a travaillé comme animateur ensuite avec Kawamoto. Il y a Nakata Ayaka qui a réalisé ce film-ci, qui fait partie du groupe aussi, autour de Monsieur Yamamura. Deco Vocal, le duo, c'est Tomoyoshi. Donc Joko Tomoyoshi et Ichinose Hiroko, qui se sont mariés l'an dernier. C'est une unité. Donc ils ont créé un groupe qui s'appelle Deco Vocal. Donc c'est en japonais, le nom leur vient de leur mentor, c'est Furukawa dont on parlait tout à l'heure. Furukawa Otaku, qui était prof, qui leur a appris l'animation à l'université polytechnique de Tokyo. Donc eux travaillent, ils ont chacun fait des films séparément, ils en ont fait un certain nombre en commun, et donc ils travaillent beaucoup, ils font beaucoup de choses. Alors il y a aussi cette légèreté un petit peu inconséquente qu'on trouve, mais moi j'aime beaucoup les films de Ichinose. Donc elle avait fait Ushinichi, qui était un très joli film très très avec un graphisme minimaliste, une sorte d'ingénuité, une fausse ingénuité du regard avec des personnages animaliers, avec une cruauté très latente qui explose par moments, et puis un regard très féminin vraiment. Très intéressant ce qu'elle fait, tout à fait. Elle est vraiment à part, quoi. Elle c'est une, en tant que personne aussi, elle est très très à part. Elle est comme ça, un peu dans la lune. Elle est très très attachante. Mais donc voilà, ça fait partie des gens qu'il faut suivre, je pense. Et puis, si on me pardonnera effectivement un mot de prosélytisme, moi dans la génération dans ceux qui sont sortis de l'école donc l'université des arts de Tokyo, où tu es prof quand même, donc oui, c'est pour lecteur, ça que voilà, tu connais bien aussi leur travail. Oui, il y a donc de la première promotion, c'est bien sûr Wada, mais aussi Shiroki, une animatrice qui travaille en peinture sur verre. Mm-hmm. Ça c'est. Et celui qui a fait Game Boy, est-ce que. Ben voilà, donc moi, ça, oui, oui, tout à fait. Okuda. Alors Okuda, donc c'est qui avait réalisé Orchestra, donc avec deux autres compères. Lui, tout à fait. Alors Okuda qui est sorti donc cette année de l'université de Tokyo, et son compère donc Ogawara qui lui va être diplômé ben là au printemps. Au mois de mars, donc tous les deux. Alors eux, vraiment, il faut les suivre, ouais. Parce qu'ils ont déjà leur film a été déjà récompensé à de nombreuses reprises. Leurs travaux individuels aussi. Donc Gumboy, pour moi, c'est plutôt Chubby Boy. J'avais suggéré il est. C'est vrai que Chubby Boy, il y a un côté qui est plus. Ben voilà, parce qu'il mâche en fait. Il marche mieux, c'est l'onomatopée. Le rythme du film incroyable. Exactement. Mais ça a été complètement marqué par des gens qui voudraient s'intéresser à l'animation d'auteur japonaise, doivent absolument surtout acheter le coffret en 4 volumes de Okamoto Tadanari, un réalisateur qui n'est pas de cette génération puisqu'il est décédé en 90, mais qui est là aussi un des mentors de Yamamura, et où on trouve une des sources, je pense, les plus riches, les plus jubilatoires, les plus heureuses pour l'animation en tant que forme, je dirais, indépendante. Et Game Boy, typiquement, s'inscrit complètement dans la lignée du travail d'Okamoto. Donc il faut absolument connaître les films d'Okamoto. D'Okamoto, qui est vraiment, alors qui malheureusement a un coffret uniquement disponible au Japon, mais qui est trouvable aujourd'hui avec Amazon. Ça coûte un peu cher, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est un très très beau coffret. Un très, très bel auteur à découvrir. T'as 30 secondes, qu'est-ce qu'on n'a pas dit en 30 secondes? Et ben, il va parler encore plus vite qu'avant. Il y a plein de choses. Donc il y a le festival Laputa donc à Tokyo qui a organisé un prix Nordstein à une époque. Il y a donc l'ICAF, l'équivalent Intercollege Animation Festival, maintenant quasiment tous les ans, donc l'équivalent du Carrefour de l'animation. Tokyo Anima, une initiative des auteurs, des jeunes auteurs, de la jeune génération, donc une trentaine d'auteurs, quarantaine d'auteurs, ils sont tous dans la vingtaine ou la trentaine. Ils s'auto-organisent. Ils ont fait une première édition en 2010. La deuxième a été ruinée par le séisme. Ils ont pu la tenir au mois d'octobre l'an dernier. Et là, c'est pareil. C'est entre eux, ils montent les films, les programmes, ils se réunissent et ils font en sorte que ça se fasse. Alors, ce qu'on fera, allez, la prochaine émission, c'est quand, Florentine? C'est le 4 février. On reçoit Sophie Rose. Stéphanie Varela, Sébastien Ruffin. Pour la peinture animée, Sébastien Ruffin qui nous parle. Et peut-être Cécile Giraud si elle est. Voilà, on essaiera de parler aussi de livres et d'éditions en France en animation. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il n'y en a que pour la prise de vue directe? À mon avis, on sait déjà la réponse, mais en tout cas, c'est intéressant. Il ne faut pas noircir le tableau. C'est intéressant d'en parler. On n'en sait pas, mais il n'y a même pas d'histoire. En français aujourd'hui, pas dans l'animation. Oui, c'est la même chose au Japon. Juste, ça a été une. Ah, bah c'est intéressant. Donc, alors, c'était une émission qui a été sûrement très frustrante pour beaucoup d'entre vous parce qu'ils auraient aimé entendre encore plus Ilan. C'était une émission qui a été frustrante pour plein d'entre vous parce qu'il a beaucoup parlé et que vous n'avez pas pu tout noter. Vous n'avez pas tout compris. J'ai pas fait mon boulot d'animateur comme j'aurais dû parce qu'en effet, j'étais à la fois passionné par ce que disait Ilan et me dire là, je devrais le couper pour dire oui, mais là, tu devrais redire un nom, etc. Voilà, c'est une émission qu'on va mettre en ligne, bien évidemment. On va remettre tous les noms des réalisateurs ou avec des liens. Vous entendrez, voilà, pour le plaisir, Ilan à l'émission sur Nordstein. Et on réinvitera Ilan pour nous parler peut-être des festivals d'animation pour Hiroshima. Et donc voilà, merci infiniment Ilan. Merci à vous. Merci vraiment d'être venu nous avoir et de nous avoir donné autant d'informations. On va se quitter avec le générique ou sinon peut-être celui d'après. Sinon, il fait 50 secondes. C'est World's End Girlfriend. C'est tiré d'un film Erdol de Koleeda qui est juste une pure merveille qu'il faut absolument voir, qu'un très très grand réalisateur. Et Erdol est juste, par rapport au temps et par rapport au corps, enfin, un film sublime à voir absolument. Donc on finit, on se retrouve le 4 février. Merci beaucoup. À très vite. J'ai pas...